Dépêche-toi de nous faire rire avant que tu n'existes plus. Salut, c'est Tivoti. Vous écoutez en ce moment Mon Chapiteau sur RQC95.fm dans l'émission 80 à l'heure. Avant que tout ne bouge, ils ont déjà dressé les plans. Je vous invite aussi à découvrir mon tout nouveau clip sur cette chanson lors du concert que je donnerai à Erzo le 22 octobre en la salle du Circambule. Toutes les infos de réservation sont sur mon site www.tivoti.com. Que deviendra ce chapiteau, ces acrobates, ces jongleurs? Et surtout, restez à l'écoute sur RQC95.fr Moucron. A bientôt. Magicien, c'est dompteur. Pourquoi faut-il à tout prix, au détriment de la nature? Eh bien, le bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, évidemment, maintenant vous le savez, puisque ça fait quand même quelques années, donc de 20h à 22h30 avec une bande de joyeux loufoques autour de nous. Enfin, autour de nous, non, c'est autour de... Si, autour de ouais, nous, ouais, autour ouais, de ouais, nous, bah, évidemment. Il y a plus de phoques que de loups. C'est ça, absolument. Oh, bravo, ça commence bien. Bah, on va commencer par lui, tiens, d'ailleurs, notre ami Canon. Salut. Salut à tous et à toutes. Qui est ta voile à vapeur, hein, on peut le dire au passage. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, c'est vrai. On est quel jour? Le phoque, c'est ça. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le phoque, c'est une voile sur un bateau. Quand t'as de l'humour, on dit ah, oh, t'as ri. Mais enfin, bon, bref. Et ouais, oh c'est là, là, là, bah, attends, allez, attends. Ça commence. Oh là là là. Bah, j'essaye de faire des blagues de allez, Sherlock. Allez, Bibi, on t'écoute. Donc voilà, vous allez bien? Bah ouais, écoute, ça va super bien depuis bah, la semaine dernière. C'est vrai que, enfin, une semaine où on ne se voit pas. Ouais, c'est vrai, ouais, week-end, c'est vrai que ça change. Où je ne t'ai pas vu. Alors là, c'est bien. Ah si, si, on s'est vu à Évasion. Oups, c'est vrai. Ouais, bon, on s'est croisé très vite. On s'est croisé très vite. Ah oui, oui, alors le gars, il vient en répétition, disant ouais, j'ai répétition, machin. Non. Si, j'ai répétition. Non. À contrario, on fait partie d'une troupe, il y avait Lucie qui était là aussi, et il y en a deux qui sont arrivés après, et c'est vrai que ça avait été mis le bal perdu, et c'était répétition, en fait, du bal, là. Qui est une fresque. Et après, c'était simplement. Oui, non, mais bien sûr, je peux comprendre que c'était un peu tendancieux, mais effectivement, ça me fait rire parce qu'il arrive en nous disant voilà, je me suis poilé parce que je m'étais formulé que j'étais pas au répé, là, je débarre bien à l'heure et c'était pas la même. Il arrive quand c'est pas sa répétition. C'est ça, ouais. Comme ça, j'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour. Eh ben écoute, tu nous as préparé un petit truc tout ça. Absolument, bah, même une chronique hein, avec un C majuscule, une vraie chronique. Hein. Ah bien, ça va te changer un peu. Ouais, ça va changer, ouais. T'as changé. T'as fait la tienne? C'est quoi le sujet? Oui. Bah, oh, absolument. Super, super. Je vais vous faire ma biographie. Ça vous va? Ah putain, ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite, hein. Bon, non. Comme t'as pris quelque chose d'intéressant, ça va aller très vite. Ah oui, d'accord, là c'est autre chose, évidemment. On va tutoyer. Bon. Donc ouais, non, traduction de deux chansons, mais à nouveau, voilà, un peu savoureux d'un groupe très très connu, mais des chansons pas des face B, mais un peu moins connues, qui dès qu'on va les mettre, c'est assez générique, ça va faire. Excusez-nous, il y a des bruits de fond, c'est parce que j'ai pas fermé la porte. Non mais oui, bon, oh, c'est pas grave. C'est parce qu'il y a nos amis de Chiffon Rouge qui sont effectivement dans les parages. On va pas aller avec son chiffon carpette, mais bon. Non, c'est clair. Non, mais ils font un peu de bruit quand même. Ils font un peu de bruit, ouais. Ils sont festifs. Hein. Donc voilà, festifs. Donc deux chansons. Je vous rappelle, pardon, je profite sur Chiffon Rouge. On a perdu malheureusement il y a un an de ça, c'est André, donc qui était en gros le directeur de la radio RQC, et ils font une émission hommage. Mardi prochain. Donc avant 80 à l'heure, donc certainement de 18h30 à 20h. C'est ça. Voilà, sur un studio mobile. Même, je crois que c'est 17h30 d'ailleurs. 17h30, ouais, d'accord. Donc si vous avez connu André, voilà, n'hésitez pas, ou vous ne l'avez pas connu, vous vouliez découvrir ce personnage qui était vraiment haut en couleur. Je l'ai connu très peu, mais il était vraiment main de fer dans un gant de velours. Ouais, vraiment attachant. C'est pas parce que malheureusement il est décédé, on dit que des choses gentilles. Il était vraiment attachant. C'était un personnage. Ah non, parce que des fois très, il était chiant, très... on peut le dire. Hein. Ah mais il y avait, du caractère. Il était rude. Il était très rude. Mais il était attachant. Il était vraiment attachant. Personnage comme on en fait plus beaucoup. Donc voilà. Enfin, on en reparlera de toute façon au cours de l'émission. Bien sûr. On le rappellera qu'effectivement il y a cette émission hommage à notre ami André, est président aussi, hein, qui était président de la radio pendant plusieurs années, et qui a oui, j'ai directeur, pardon, président. Oui, président. Oui, absolument, et qui a dirigé donc cette radio. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a embauché à l'époque hein, pour démarrer l'émission. Comme quoi, il n'a pas fait que des bonnes choses. Ouais, mais attendez les gars, soyez contents, parce que c'est pas eux qui vous ont embauché, c'est nous. C'est vrai. Comme quoi, il était brillant, ouais, mais pas toujours. Vous n'êtes pas passé par la filière habituelle, machin. Bah, non, vous êtes arrivé dans l'émission, tranquille. Ah ouais, parce qu'il y avait la différent quand même à l'époque. La promotion canapé, en fait. Ouais, enfin ceci dit, on n'a pas couché sur le canapé ensemble, Flipcat. Pas encore. Je sais pas, je pose la question. On va vous laisser. On parle de Foc. Eh ben, Foccat. Oui. Foccat. Ouais, c'est dur à dire ça. Foccat. Foccat. Flipcat qui est avec nous ce soir, évidemment. Oui. Vous reconnaissez sa belle voix. Chronique aussi également ce soir. Eh bien, surprise, non. Je n'ai pas fait de chronique comme je l'avais dit la semaine dernière. Ah bah, comment ça c'est? J'ai pas fait de chronique. Tu chômes là. J'avais dit que je n'en faisais pas, donc je n'ai pas fait de chronique. Bon, bah écoute, ben au moins tu. Bah ça change, c'est la surprise. Ouais. Bah. Donc du coup, tu nous dois un pot. C'était ça, si c'est chronique ça. Ou le pot. Bon là, c'est ça. Et bon. Pas un pot de chambre, hein. Je précise. Ouais, plein ou pas. Et c'est pour ça que je ferai une chronique ce soir. Non, donc voilà, donc. Bon bah ça marche, bah, écoute. Pour ce soir, on va dire, ok, on fait l'impasse. On fait l'impasse. Eh bien, on verra. Attention que ça ne se reproduise pas. Sinon, ce sera... Ah mais moi, je dis je fais. Hein. Ce sera un rapport chez Monsieur Baudouin. Chez Monsieur Baudouin. D'accord. Tu connais Baudouin. Bien clair. Ah, ouais. C'est moi. Oui, et tiens, en parlant de Monsieur Baudouin, on a Flipka... Sherlock est avec nous. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors Sherlock, alors lui, il a une super une tendance à... Quand il arrive dans le bar, il est fatigué, il sourit pas. Et puis voilà. Et il arrive dans le studio et ça, il rayonne. C'est ça, c'est ouais. Terrible. Mais ça, ouais. C'est l'effet RQC, quoi. Oui, l'effet c'est, 80 à l'heure. C'est dès qu'il voit dès les petits potards, dès qu'il met sa clé USB, qu'il fait merde, ça va pas. Il ouvre mon dossier tout à l'heure, il a failli avoir un problème. J'ai eu un technique. Coup de flip juste avant l'émission. Hein. Et pas un coup de flip 4, c'était un coup de flip tout court. Ah, oh, c'est mentir. Où j'ai mis les clés au niveau de la tablette, et là, rien. Pas un seul fichier, rien. Je fais, là, il y a un problème, là. Et en fait, non, c'est ah, juste c'est pour ça que t'es heureux, alors, maintenant. Ouais. Ah, bah, c'est là, bien, c'est juste que la tablette avait bugué, je sais pas. Voilà. Elle m'affichait plus rien, j'ai du tout allé rechercher moi-même. Bon. Okay. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. Mais ce soir, donc, du coup, deux chroniques, évidemment. La chronique Pinoche à 21h. C'est ça. Et donc, à 22h. Le ciné rétro 80, et j'espère bien vous coller là-dessus. Et je pense même que je vais vous coller là-dessus. Ah. Je suis à 90% sûr que je vais vous coller là-dessus. Et bien, si on lance le pari. Et si tu ne le colles pas, j'essaierai la semaine prochaine avec une autre chronique. MTG. Allez, en fait, c'est la phase B d'un film, tu sais, c'est que la bande a été réimprimée à l'envers. Tournée générale. Pour c'est tous les animateurs de RQC. Tu vas nous coller. Parce... tu connais mon salaire. Justement, bah, t'as, c'est suffisant. Pour une tournée, c'est suffisant. Hein. Ah, tu vas juste mon salaire, en fait. Bah oui, bah voilà. Tu vas nous coller parce que le film est très très compliqué à trouver, ou alors parce que t'as pour une fois bien préparé ta chronique. Salaud. Oui, j'adore. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Bon, allez, ok les gars. Bah, après, évidemment, vous, de votre côté, si vous souhaitez nous balancer quelques coms, surtout n'hésitez pas, ou si vous avez des événements à promouvoir, eh bien, il y a la page Facebook de l'émission 80 à l'heure, sur laquelle bah, on va faire un plaisir de relayer les infos que vous nous balancerez. Et pas de saloperie, hein, s'il vous plaît. Si, aussi. Aussi, ouais, oui. Bien, bon. Ouais. Alors, toi, Harry, t'as une chronique ou pas cette semaine? Oui, je vais faire une biographie. Oui, elle est toute prête. De ma personne, voilà. Elle est dans, de 1974 à aujourd'hui, 1974 à aujourd'hui. Ça et tu remarques, aucun support, pas de tablette, pas de papier. C'est bon, en même temps, c'est sa propre biographie. Ouais, donc voilà. Il la connaît quand même. Non. Je vous parlerai d'un concert qui aura lieu à Roubaix. Et que les stars des années 80. On va y aller. Ouais, évidemment, donc ce sera au mois d'octobre. Et ouais, okay. La salle Ouattromé, donc je vous en parlerai. Ça peut être sympa. Oui. Je crois qu'on a peut-être aussi. On va peut-être aller les titiller un peu. D'autant plus qu'on connaît les trois quarts, puisque c'est toujours les mêmes. Mais ceci dit, un petit coup de fil, et puis on peut se retrouver à les interviewer, à prendre des nouvelles de certaines personnes comme. Comme Thierry Pastor, j'en passe des meilleurs qui seront là, Jean-Pierre Madère, uh-huh. Également William de début de soirée qui seront pour un concert. Donc je vais pas dire exceptionnel parce que je rassure tous les auditeurs, c'est si j'ai la chance d'être avec vous, je vais filmer comme ça, vous aurez et l'audio et la vidéo immédiatement. Mais bien sûr, mais why not? Ben, ça peut être sympa. On fera peut-être même des lives Facebook, hein, qui sait. Bien sûr, ça peut le faire. Ah ouais. Ça peut le faire s'ils acceptent. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale. Ouais. Oui, bien sûr. Ça peut le faire aussi. Bien sûr. Alors après, on se retrouvera tout de suite après Alphaville avec Big in Japan et Bill Baxter avec Embrasse-moi Idiot. Un gros bisou aussi à la troupe Tendance, qui est la troupe que nous avions reçue, que j'ai vue récemment et qui est en train de nous écouter. Voilà. Ah, bah, fais un bisou à Sophie, à Emily. On a 10 jolies femmes. Ils sont 10. Elles sont 10. Il y a une actu. Je vous en parlerai. Ah ouais, ils en parleront certainement au mois d'octobre ou novembre avec c'est bien. La troupe grossit et prend enfin pas les filles hein, de la troupe. Et on a un point quand même avec la troupe tendance, c'est que on a une petite danseuse qui est frangine de l'une des autres danseuses de tendance. Et elle se ressemble, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je la salue au passage Camille, si elle nous écoute. Absolument, oui, c'est possible. Camille, je la salue au passage, qui vient de rejoindre le groupe Évasion avec une telle ferveur et un tel talent. Vraiment, je la félicite au passage. Ouais. Et qui est la frangine donc, de Céline. Et elle se ressemble. Terrible. Voilà. Allez, coupure musicale, Big in Japan et. Et Embrasse-moi idiot. Non, pas maintenant. Ouais, pourquoi tu dis ça en regardant Harry? Bah, parce que j'ai envie. avoir envie d'Harry, c'est déjà ça. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Tu mettras ça dans ta bio. Salut, c'est Thierry Pastor, retrouvez-moi sur RQC 95 FM. À bientôt. Sur des musiques noires. Eh, tiens, dis donc, tu vas... Mais tu vas chanter là bientôt, là, non? Oui. Canon. Oui. Ah, c'est une chanson que j'aimerais beaucoup que tu interprètes, tiens. Si tu pouvais trouver. À chaque fois, il faut te faire le coup. Ouais. Mais tu parles du code du 14 Ou d'une parce autre qu'il y a date, 3500 mais... titres, donc on la chantera deux. Ah, non, je peux pas, parce que c'est vraiment une chanson à parole. Enfin, il chante bien, quand même. Moi, je ne peux chanter que les chansons. Je peux chanter du Gainsbourg. Encore une fois, mais... je chante du Vieille Canaille. Mais toi, c'est mis. C'est mis. Gainsbourg, je fais. C'est bien. Calé dans la playlist. Gainsbourg à 21h, t'es filmé. Vieille Canaille. 5 GoPro avec. Voilà. Ah, avec plaisir. Voilà. Mais vraiment, voilà. Oui, mais je te fais Gainsbourg. Hein. Je alors, te fais pas mot, Guy Michel. Hein. Bah, c'est vrai que je suis à l'antenne. Ce jour-là, il y a des professionnels de l'image. Des professionnels avec un P majuscule. Ils sont énormes, ce qu'ils font. Qui font le clip vidéo. Voilà, le clip vidéo en même temps du singing. Donc ça va être filmé d'une façon mais monumentale, j'ai vu comment il filmait. Donc mieux que moi avec la GoPro, avec le bras télescopique. Bah en attendant, c'était très propre, mais non, mais eux ils sont équipés. Non, c'est original, c'est très bien. Ils sont équipés. Non, t'as une piste 6 mètres. Et... J'adore, c'est. Le, c'était original. Mais on peut t'appeler Lelouch, il n'y a pas de problème. Ouais. Le premier qui habitait la 3D. Donc non, il y a du travelling, ils ont des caméras stabilisées, c'est une folie. Et ils viennent faire le clip complet, donc ils vont tourner pendant plus de 4 heures pour faire un clip de 2 minutes. minutes et demie. Donc il faut être bien habillé. Flip 4. Ah, par contre. Merde. Ah, oui. Il va falloir faire un effort hein, parce que ton polo de rugbyman, ça passera pas. Tu m'as déjà vu mal habillé. Bah ce soir. Alors, moi, bah, rien que pour vous emmerder, moi, je vais mettre mon jean de complètement défoncé. Ah non, non parce que ça, tu rentreras pas. Le 14, hein, on parlait. Ah oui, d'accord. C'est pas la première fois que tu me vois venir en costard quand même, je veux dire. Ah mais je t'ai déjà vu en costard. Ça peut surprendre. La classe. Il est super classe. Quand il est en costard, il est super classe. C'est pour ça que. Alors moi, j'ai commandé les nouveaux t-shirts. Je pourrais même pas le mettre. Quel t-shirt? Bah, des t-shirts comme ma marque de fabrique quand même. Par contre, d'ici le 14 octobre, on a le temps d'avoir nos t-shirts 80 à l'heure, hein, mais je dis ça comme ça. Bah là, j'en ai commandé un Back to the 80s. Ah, c'est bien ça. Façon retour vers le futur. Ouais. Ouais. Je devrais le recevoir cette semaine. Donc, je le mettrai la semaine et prochaine. Et ton caleçon aussi. Il sera juste marqué. Mais t'as quel âge en 80? Non, là, ça doit être du Haribo. Ça gaze, non? Avec les poils d'adolescence, ça gaze. T'as quel âge, toi, Sherlock? Moi, j'ai 39. Tu donnes ton âge à l'antenne. Jamais, j'ai vraiment. Sérieux? C'est pas grave. 39, hein? Ouais. Sérieux, tu les fais pas, je te donnais plus. Ouais, je me doute. 45. Non, tu vas avoir quoi, toi? 45? Non, 40? Non, mais t'es pas bien, toi, quoi. T'es pas bien, lui. C'est à moi qui parle. C'est à moi qui parle. Talking to me. You're talking to me. Bon, voilà, tu peux nous vous voyez. You fuck my wife. Ouais. T'as le mec qui parle d'âge à l'enfant. Alors, il faut savoir que You Talking to Me et You Fuck My Wife, c'est pas dans le même film. Non, c'est pas. Il y en a un, c'est Taxi Driver, et l'autre, c'est. Raging Bull. Non, pas du tout. Non, c'est. Évidemment, celui qui se tourne à Miami. The Ass of My Wife. Oui, attends, enfin. C'est avec De Niro, mais c'est lequel c'est, Non, c'est Al Pacino aussi. Al Pacino, il y en a un autre, c'est Robert De Niro. Ah non, les deux sont Robert De Niro. C'est De Niro, les deux. C'est De Niro. Ah non, toi tu parlais de Scarface. Ouais. Oui, c'est pas My Wife, c'est pas Scarface, c'est autant pour moi alors. Non. Okay. Mais il y a effectivement un film dans lequel on trouve sur la mafia, où on trouve De Niro et... La question du jour, c'est Fuck My Wife, si vous nous écoutez, est-ce que quelqu'un connaît le film dans lequel... Quelqu'un pourrait nous traduire Fuck My Wife. Il me semble qu'il y a une des répliques qui est dans Raging Bull et l'autre qui est dans Taxi Driver. Raging Bull, ça m'étonne quand même. Ouais, c'est moins connu, je vois pas Raging Bull dans Fuck My Wife. Non, You Talking To Me, je crois que c'est Raging Bull et You Fuck My Wife, ça doit être Taxi Driver. D'accord, bon bah écoute, voilà, à vos claviers. Bah, ceci dit, vous Mohamed. Bravo. Ceci dit, Brahim. ceci dit, entre nous, on est en train de se poser des questions sur des phrases cultes américaines, on est d'accord. Hein. Mais elles sont complètement débiles parce que tu es en train de te dire, ouais, dans quel film You're talking to me, En français, c'est tu me parles. C'est à moi que tu parles. Alors, justement, cette phrase, elle a été reprise dans le film La haine de Mathieu Kassovitz. Ouais, mais je pense, à la limite, la première, c'est à moi que tu parles. Mais c'est à moi que tu parles, vas-y. Ouais, mais c'est une phrase complètement bidon. Bah oui, c'est vraiment bidon. C'est complètement bidon. Bah tiens, en parlant de bidon. Oui. C'est ta chronique. Oui. De gros bidon, alors. Il a pas dit bidet. T'as toujours pas trouvé de nom à ta chronique. Non, mais elle n'a pas de nom. C'est la chronique de Canon. Ouais, donc voilà. Non, j'ai repris en fait un peu un standard. J'ai repioché en fait dans toutes les chansons qui ont marqué les années 80. Là, j'étais chercher un peu. Enfin, c'est pas de l'underground, hein, mais j'étais chercher un petit peu. Des chansons un tout petit peu moins connues. Par contre, qui font partie d'un très très très grand groupe. Et qui sont pour moi savoureuses parce qu'elles ont une histoire. Elles ont une histoire. Alors, je vous donne la traduction de la première et vous essayez de me donner des indices pour savoir si on parle. C'est des Anglais ou des Américains? C'est des Anglais. Des Anglais. Ok. Alors. Et c'est là qui te sort, c'est des Australiens. Voilà. C'est ça nous aide, hein. Forcément. Quand même. Je dois t'atteindre le premier avant qu'il ne le fasse. C'est juste une question de temps, avant qu'il ne te mette la main dessus. Et te rendre exactement comme les autres. Je dois t'atteindre le premier, c'est juste une question de temps. Bien. Mais écoutez bien les paroles, Oui, évidemment. Mais est-ce que vous aviez déjà. Je suppose que tous ceux qui nous écoutent, c'est juste une question de temps, traduit en anglais, c'est très facile, c'est d'un très très grand groupe. Par contre, c'est vraiment en fait l'histoire qui est racontée là-dedans. Bien, maintenant que tu n'as que 15 ans et que tu es belle, je te prendrai sous mon aile, quelqu'un doit le faire, ils ont des méthodes persuasives et tu croiras ce qu'ils te diront. C'est juste une question de temps et il ne t'en reste plus beaucoup. Ça sera pas long avant que tu te fasses avoir exactement ce qu'ils voudront de toi. Je peux les voir maintenant traîner autour de toi, te détruire, te déshabiller et prendre leurs pieds avec ma petite. C'est juste une question de temps, il ne t'en reste plus beaucoup. ça sera plus long avant que tu te fasses avoir exactement ce qu'ils voudront de toi. Parfois, je leur en veux pas de te convoiter, tu es belle. Ils ont besoin de faire quelque chose, jusqu'à ce que je te regarde, et alors je les condamne. Je connais mon espèce et ce qui se passe dans nos têtes. C'est juste une question de temps, ça devrait aller mieux. C'est juste une question de temps, ça devrait aller mieux pour toi. C'est juste une question de temps. Voilà, it's just a question of time. Absolument. Ah ouais. Du groupe, mais la traduction en fait du groupe Depeche Mode, donc Question of Time, c'est le 17e single de Depeche Mode qui est sorti en 86 en août, qui suit en fait le titre au nom similaire qu'il faut pas confondre, c'est Question Question of Lust. Voilà. Ouais. La chanson donc Question of Time fait partie de l'album Black Celebration qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, en février 86. La chanson, alors elle est racontée en fait du point de vue d'un homme et peut avoir beaucoup de significations, mais l'une glissée à l'oreille d'un chroniqueur de Times Music serait, par un membre du groupe, serait qu'un homme tente de protéger la pureté d'une fille de 15 ans des autres garçons pour pouvoir mieux lui-même se l'approprier. Ouf. Ce n'est ainsi qu'une question de temps avant qu'il ne l'obtienne, une partie d'histoire vécue par un des membres du groupe. Voilà. À noter que le clip musical Question of Time est le premier réalisé par Anton Korsbin, qui est en fait celui qui a fait depuis tous les clips encore aujourd'hui en 2016. De Depeche Mode, oui, je vais le dire dans sens français. C'est le premier qu'il a réalisé, non pas du groupe, mais depuis donc le 11 août 86, c'est lui qui fait tous les clips en fait du groupe Depeche Mode. Il n'y en a pas d'autres. Tu vas trouver ça troublant, mais je me rappelle absolument pas d'aucun clip de Depeche Mode en fait. Ah, moi aussi. Ah, si. Ah, ouais, mais sérieux, peut-être parce que. Ça me parle pas du tout. Autant les musiques. Ah, ouais, j'adore, je suis fan. Peut-être parce que, voilà, je suis pas groupie, mais c'est vrai que j'aime bien regarder. Moi, de plus en plus, je le fais. C'est des vidéos en même temps que j'écoute la musique. Ça me plaît. Ouais, mais vous, les gars, tu te rappelles dans. Enfin, je sais pas, Flipkart, tu te rappelles dans. Ouais, j'étais en train justement d'un clip de Depeche Mode. Est-ce que vous vous souvenez de celui-là? Non? Un clip un peu plus tard qui était sorti, je crois que c'était en 93 peut-être, c'était Condemnation. Ouais. Oui. Condemnation. On dirait qu'il avait une patate. Condemnation. Ouais. Waouh. C'est vachement bien la façon dont. Non, mais j'avais l'impression qu'il avait une patate chaude dans la bouche en fait quand il chantait. Waouh. C'est ça. Mais ce clip était tourné façon live. Donc là, je m'en suis souvenu, mais. C'est vrai que Question of Time, c'est un clip qui montre un motard qui roule en sidecar avec un bébé en fait et qui parcourt un très très long trajet, qui chante pendant ce temps-là pour le remettre à Alan Wilder et au groupe qui se trouve dans une maison. Donc non, ça vous parle pas. C'est vrai que c'est pas celui qui est le plus connu. Voilà. Est-ce que vous en voulez une autre? Oui. Oui. Il y aurait des fois où mes crimes sembleront presque impardonnables. Je cède au péché. Car je dois rendre cette vie vivable. Ah, parce que c'est les paroles de la chanson. Bah, ouais. On recommence depuis le début, parce que là, on n'a pas suivi. Il y aura des fois où mes crimes sembleront presque impardonnables. Je cède au péché, car je dois rendre cette vie vivable. Mais quand tu croiras que j'en ai eu assez de cet océan d'amour, je prendrai encore plus d'une autre rivière que celle-ci, et j'en ferai valoir la peine. Je ferai sourire ton cœur. Ah, je connais. C'est Ralph de Bricassac dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Absolument pas. Alors, amour étrange, d'étrange haut, d'étrange bas. Amour étrange, c'est ainsi que va mon amour. Ah, me le donneras-tu? Prendras-tu cette douleur que je te donnerai encore et encore? Mais me la rendras-tu? Il y aura des jours où je dévierai. Je peux sembler être constamment hors de portée. Je cède au péché parce que j'aime pratiquer ce que je prêche. Je n'essaie pas de dire que tout se passera comme je le veux. Je suis toujours prêt à apprendre, mais tu as quelque chose à enseigner, et j'en ferai valoir la peine, je ferai sourire ton cœur. Douleur, la renvoieras-tu? Je le dirai encore, douleur, la renvoieras-tu? Je ne le répéterai pas. Je cède, encore et encore, je cède. Et toi, le céderas-tu pour que ça soit comme ça? Je cède, je le dirai à nouveau, je cède cet amour étrange. Traduisez la. Est-ce que c'est pas... Pardon? Strange Love. Strange Love, where's the land on the Strange Love? Ah, mais c'est toujours Depeche Mode! Ah, bah, vous m'avez pas posé de question. Ah, oui! Non, parce que j'étais en train de chercher vraiment la chanson, quoi. Ah, bah oui! Ah, pardon, j'étais resté sur la logique, c'est Strange Love de Depeche Mode. Ah, voilà. D'accord, ah, bah non, moi je cherchais un autre groupe, du coup. Non, voilà, donc vraiment, c'est pas mal écrit en fait. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que les traductions écrites sont toujours un petit peu capillotractées, donc je rajoute quand même des jeux, des virgules et je change absolument pas le sens de ce qui est dit, mais j'essaye de le mettre en français parlé, quoi. Uh-huh. Et c'est pas mal. Alors, Strange Love, en fait, est le 18e single de Depeche Mode qui est sorti en 87, en avril. Celui juste après Question of Time. Absolument. Et le tout premier extrait de l'album, Music from the Maces, qui paraîtra plus tard dans l'année. Donc, il atteint la 16e place du classement des meilleures ventes de singles au Royaume-Uni, alors qu'il devenait rare. C'est bizarre quand même que Depeche Mode atteigne le top 10 dans son propre pays. Bizarrement. On se dit à l'époque, c'était dès qu'ils sortaient un titre, ça cartonnait. Bah non, dans leur pays, ils étaient 25e, 23e. En Angleterre, il y en a eu des sacrés, des groupes. Hein, ouais, tout à fait. Mais il y a des groupes qui ont plus percé après à l'étranger que dans leur propre pays. Hein. Il était deuxième au hit parade de la RFA et premier en Afrique du Sud pendant plus de 4 mois. Non, mais ils étaient deux en Afrique du Sud. Donc il y avait Depeche Mode et U2. Donc... ah non, moi j'aurais dit Johnny Clegg. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Donc la version originale de Strange Love parue au printemps 87 est une chanson rapide aux allures pop, bien qu'efficace, ça correspondait finalement pas au style beaucoup plus sombre de Music for the Maces, édité plus tard dans l'année. Elle a failli en fait ne jamais voir l'album, on va passer après à un petit extrait. C'est ainsi que David Miller fit une version plus lente de Strange Love qui devient alors un titre inclus dans l'album. Cette version est d'ailleurs sortie plus tard au single des États-Unis sur le nom de Strange Love 88. J'ai pas pu la télécharger, allez savoir pourquoi, j'ai pas su la récupérer. Elle parce existe. Que légal, tu sais pas faire. Bah, c'est pas illégal. Légal, tu sais pas non, faire. Ah, c'est pas illégal de télécharger. Non. J'ai... De la ripper. Pardon. Tu as cherché à la ripper. Bah, c'est. Elle fait pas plus de 6 minutes, non. Non. Mais même j'ai un ripper, je peux choper 1h20, mais celle-là, pas moyen. Tous les liens connexes, en fait, n'arrivent pas à récupérer le fichier MP3, bizarre. Enfin bref. Et il y a deux faces B aussi pour Strange Love. C'est pour ça que je blague. Quoi, deux faces B ? Donc il y a 45 tours qui sont sortis. Non, mais s'il est sorti en Europe et qu'il est sorti aux États-Unis sous Strange Love 88. Absolument. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux instrumentaux que vous connaissez pas ou prou ou peu. Mais c'est vrai que le premier, en le réécoutant, je l'ai déjà entendu. Donc il y a Pimpf, qui est un instrumental sombre constitué autour d'un piano qui en tire son nom. D'après les membres du groupe et d'une des sections des jeunesses hitlériennes. Donc ouais. C'est un groupe assez sombre. Et c'est la dernière piste, en fait, de Music for the Maces. Parce qu'il faut savoir que le groupe, en fait, a merdé à la fin. Et le gars a dit, il faut encore en presser un parce qu'on peut pas laisser un 33 tours avec autant. Il faut nous en faire un. Donc, c'est ce que vous allez entendre. C'est très, très sombre et ça vient de, ça tourne autour des jeunesses hitlériennes, Depeche Mode est parti là-dedans. Voilà. Oula. Ce que j'aimais bien à l'époque. C'est la première phase B. La première phase B, pardon. Qu'on parle justement de. Ah bah. Attends, ça dure pas longtemps. Hein. Ah ouais, c'est sombre. Hein. Oh fortuna. Voilà. Ça s'appelle Pimpf. Alors P-I-M-P-F, Pimpf. Et c'est le voilà, c'est un instrumental très très sombre. Et il faut savoir que de l'autre côté, tu as tout à fait raison. Dans la version américaine, en fait, ils ont sorti Agent Orange. En fait, c'est le nom qui vient d'un herbicide qui était utilisé pendant la guerre du Vietnam. Donc ils vaporisaient ça sur les mecs et c'était une horreur puisque c'était du DTT multiplié par 100. Et à la fin de la chanson, on peut entendre un code Morse, vraiment du Morse. Et la signification est la suivante: si quelqu'un peut entendre ceci, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc c'est vraiment voilà une culture. Dans Strange Love. Oui. Donc là, vous dans ah, non dans la phase B, la Agent. Phase B. Dans Agent Orange, la phase B, groupe américain. Ah oui, d'accord. Voilà. Dans la phase B. Pu passer tous les extraits de, mais c'est la fin là du morceau où vous avez quand même le terme générique et je vous invite après l'émission évidemment à aller sur internet l'écouter. Agent Orange. Donc c'est vraiment du morse là qu'on entend. Oui, et ça veut dire en anglais évidemment, mais traduit en français, si quelqu'un peut entendre ceci, s'il vous plaît, aidez-moi. Et la musique tan tan tan tan tan tan tan, c'est récurrent. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est un côté truc morse dans le titre. Donc il est devenu aussi Agent Orange, la première piste bonus de la version en fait CD de Music for the Maces. Voilà, d'accord. En version européenne. Voilà, donc c'était la La petite chronique sur Dépêche Mode. Tu nous as préparé un petit medley, oui, en morse. Original. S'il te plaît. Non, ça va pas être DJ machin. Non. Bon, il y a de bons morceaux quand même, parce que sache que quand t'entends Strange Love, qui est une musique rythmée mais relativement lente, il y a des mecs quand même, des musicos avec un M majuscule, qui savent faire de la musique, qui reprennent ça en la soutenant sans faire de techno. Il y a une version techno que j'ai pas prise, mais franchement, qui est fabuleuse. Bah, elle est fabuleuse. Donc je vous laisse avec It's a Question of Time et Strange Love de Dépêche Mode pendant 6 minutes 23 et 17 millièmes. Eh ben écoute, merci à toi. 17 millièmes, c'est ma taille. D'accord, allez, c'est parti, on se retrouve après ça. Exactly what they want you to. Strange Love de Depeche Mode, évidemment. Donc c'est un titre qui nous a été rappelé en mémoire par notre ami Canon avec cette merveilleuse chronique justement sur ces deux titres. Formidable, veux-tu mais, dire. Et tu vas rire, mais en réécoutant la chanson, moi je pensais qu'il disait Stranger. Ouais, bah ouais. Ouais, ah, ouais, ouais, dans la façon de chanter, on a l'impression qu'il dit Stranger. Bah, c'est et parce qu'il y a toujours sa patate chaude en fait dans la bouche, sûrement. Oui. Il est remis au micro-ondes, mais. Vous les avez déjà vus en live ou pas? Non, pas du tout. Non, j'ai vu le cover à la Blomerie récemment, qui est leur premier cover officiel italien. C'est eux, hein. C'est assez impressionnant. Mais non, autrement, je les ai pas vus. Moi, je les ai vus. Une fois. Ah, ça y commence à croire. Non, mais grand sourire. Et oui, mais grand sourire, parce que effectivement, mais ça m'a fait sourire, parce que j'étais les voir à Liévin il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais ils surfent quand même sur leurs titres des années 80. Bien sûr. Je veux dire, sur leurs nouveaux albums, il y avait 5 titres, tout le reste, ça a été du Justin Gedinoff, ça a été du Personal Jesus, ça a été tous les titres qui ont marqué les années 80. Honnêtement, je pense qu'ils surfent encore sur ces. Mais c'est ce que les gens veulent, je pense, parce que. Oui, bien sûr. Alors, qui l'a dit, je sais plus, mais il expliquait aussi et il a créé d'autres titres. Je sais plus qui, mais il disait le problème, c'est que même les jeunes maintenant qui connaissent, parce que Depeche Mode, moi j'en suis assez fan et continue à produire des albums qui sont très très particuliers, mais moi j'aime beaucoup parce que je suis un fan de la première époque. Et par contre, les fans actuels qui achètent même leurs albums n'ont pas toute cette récurrence d'avant. Et quand ils l'entendent, se disent, mais c'est ça qu'on a envie d'entendre, c'est ça qui est rigolo. Quoi, bien sûr. Les années 80 ont quand même marqué, parce qu'on se dirait ces jeunes vont écouter Depeche Mode pour entendre des titres assez récents. Et non, c'est un nouveau public qui vient voir Depeche Mode par rapport aux parents, et c'est rigolo quand même. Mais carrément. Donc voilà. Un peu comme Annie Cordy, hein, c'est pareil. Hein. C'est un jeune qui vient de voir Annie Cordy, voilà, et dit, tata yo-yo. Alors que ça surtout depuis qu'elle s'est mise à l'électro. C'est ça. Je vais vous présenter à ma gauche, et en fait, elle s'appelle Mélissa, parce qu'elle a déjà envie de parler. Maintenant, il ne faut pas être désolé. Par contre, on peut le faire dans un micro. Alors, il faut que tu nous la présentes, parce qu'on ne la connaît pas du tout. Alors, elle a un petit air à mimimati, mais en plus grande. Voilà, elle a remarqué, non? C'est ça, ouais. J'ai l'habitude. claque des doigts, coup. Fais voir. Non, t'as pas changé. Et donc voilà, non, Onissa est une amie. Onissa, c'est ça. Onissa, voilà. C'est de quelle origine, Onissa? C'est une pierre grecque. Ah, et ça veut dire quoi? C'est une brique. Une pierre précieuse grecque. Oh, attention. Onissa. Donc voilà, non, on se connaît depuis un bout de temps, on en parlera hors antenne et tout ça, mais voilà, on s'amuse bien, donc c'est une folle dingue. Voilà. Elle est mais tu nous viens de où alors? Tu nous viens de Saint-Léger. Saint-Léger, oui, j'habite à Saint-Léger. D'accord. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ah. Hein. J'ai la voix cassée, je suis désolé. Ouais, c'est mimimati, mais avec. La voix d'Amanda Lear. Voilà. Bah, bienvenue en tous les cas. Hein. Merci, c'est gentil. Donc, voilà. Mais que nouveau cet honneur de recevoir une jante féminine, parce que ça nous arrive pas souvent. Hein. Non. Oh, bah la semaine passée, il y avait de l'ambiance quand même. Hein. Oui, mais il n'y avait pas de gens de famille. Mais non, c'est ça le pire. Il n'y avait pas de femmes? Non, il n'y avait pas de femmes, non. Toujours entre eux. La semaine d'avant, je crois que si. Ah, quand même. Si, bon, il y a des femmes. On a des femmes quand même. Oui, on a des femmes. Non, mais c'est chouette de découvrir. Oui, toi, t'as une femme. Canon, il a une femme. Non, j'en ai pas. Toi aussi. J'en ai aussi. L'autre qui se la joue à l'antenne. Vous, les mecs, vous êtes maqués. Ouais, bah toi aussi. En tout cas, Onissa, bienvenue parmi nous. C'est gentil, merci. Voilà. Et écoute, tu vas découvrir l'émission si tu la connais pas encore. Mais donc, il y a plein de chroniques qui s'entremêlent. Il y a plein d'infos qui se balancent. Et d'ailleurs, il y a une info que Sherlock va nous balancer, puisqu'il va y avoir un concert années 80 qui va avoir lieu à Roubaix. Oui. Et voilà, et j'en parle parce qu'effectivement, bah, je pense que il y a de fortes chances que nous y soyons. C'est des artistes qu'on connaît, qu'on a déjà eu en interview. Et donc, Sherlock, toi qui es fanat des concerts des années 80, tu vas nous en parler. Ça va être de la bombe, Robin. Oui, alors ça s'appelle Live 80. Donc c'est un concert donc sur les années 80, je vous le donne en mille. Il y aura donc Cookie Dingler, Sloan de Peter et Sloan. Bien sûr, Chantal s'appelle, Chantal Richard. Exactement. Chantal Sloan. Chantal Richard. Ah, ouais. Sloan, c'est Chantal Richard. Ouais, ouais, ouais. Il y aura Sloan et Chantal Richard. Mais ça fait toujours mieux de dire Sloan en fait que Chantal Richard parce que la plupart des gens la connaissent pas. T'imagines quand même qu'elle s'appelle pas Sloan quoi. Bah non, je me doute bien. Et Peter non c'est plus. C'est comme Cookie Dingler, il s'appelle pas Cookie Dingler. Et Peter, il s'appelle comment? Jean-Pierre Savelli. Absolument. Voilà. Bon, tu vas laisser faire sa chronique. Mais c'est pas ma chronique. Jean-Pierre Madère, qui s'appelle Jean-Pierre Madère. Oui, oui, voilà. Qui n'a pas créé de sauce, on sait. Ouais. Début de soirée qui sera incarné par William. Oui. Parce que c'est Sacha et William, on l'entend. Mais Sacha sera pas là, non. Et William voilà. Sampé, je précise. Hein. Oui. Hein William Sampé. Enfin, tu peux passer, vas-y. Et pourquoi? Alors, il faut que tu nous expliques là. Plus 4 mais non, mais justement, comme ça, tu vas chercher, c'est pas grave. Vas-y, tu peux passer William à la suite. Sans paix. William Sampé. William Sampé. Ouais, parce Cécile que la poire William Sampé, voilà. Ouh là là, ça va chercher loin. Ah ouais. Alors, tu vois, ça me fait penser à Jean-Claude Duss dans Les Bronzés quand il raconte. Et voilà. Tu vois, c'est le gars qui est obligé de raconter. Un camping, c'est pas mal aussi. Et il y aura également Richard Sanderson. Ah, j'adore. Et qui seront donc accompagnés par les musiciens de Live 80. Plus un after après le concert avec Fred Sinclair. Et alors, ça se passe quand exactement? Alors, c'est le 21 octobre, c'est à 20h30, donc c'est en gros de 20h30 à 2h du matin. Ouais. Le 21 octobre, c'est à la salle Ouattremay de Roubaix, mm-hmm. et le tarif, c'est 25 euros. C'est pas... Alors, pour ceux qui veulent précommander, c'est y a un numéro de téléphone, le 0669 003 435. Et le numéro complémentaire? Non, il n'y en a pas. C'est quoi ce numéro-là? Pourquoi tu ne nous parles pas normalement 06. Ah, c'est parce qu'ils ont mis comme ça, 0669, tu vois. Ouais, ouais. Ils ont trouvé ça plus sympa, sinon c'est 0669. On peut peut-être partager 90 03 bien sûr, il y a trop de chiffres. On va partager les chiffres. Il y a trop de chiffres. Ou on peut taper également le 3615, code qui n'en veut. Ouais, pour ceux qui ont encore un Minitel. Voilà. Voilà. Bon, une petite question, est-ce qu'il y a un bar? C'est non, une bonne question. Une bonne question. Il faudrait que je réponde. Oh les gars, c'est un concert. C'est un concert. C'est un concert. Donc, ah, bah, bon. Peut-être, hein, peut-être à mon avis que. Bah, ça doit être mais il n'y a pas de bar. Hein. Non. Il n'y a pas de bar. Non. Ouais, mais prévois parfois. Sinon, vous pouvez aller acheter les places également sur le net. Vous tapez concert live 80 et vous allez avoir un lien directement. De toute façon, on va partager l'événement. Oui, oui, bien sûr. C'est bientôt ta chronique Cinoche, mon ami. Oui. Est-ce que tu vas donner envie à Arissa d'aller au cinéma? Je m'appelle Onissa, moi. J'étais pas loin. Ici, je vais être aussi piquante que la sauce. Hein. Ah ouais, ouais, ouais, ici, c'est Harry à peu près. Hein, donc... je pense que, puisque je te présente, ils vont te tester. Bah, vas-y, pique comme je te connais. Vas-y. Bon, alors. Mais j'espère bien. Ouais, alors, j'espère. Est-ce que tu vas donner envie à Moussaka d'aller au cinéma? Il va lui dire tous les noms. On remarque, c'est grec. Il était pas loin. Mais on va avoir faim après, quand oui, même. Oui, hein. C'est sûr. Mais j'espère, ouais. Bon, alors, ceci dit, qu'est-ce que tu proposes comme pause musicale à Ouzo? Il va plus savoir quoi être malheureux. Eh ben, Niagara avec AC. Voilà, c'est très bien, oui, ça. C'est un titre qu'on n'entend pas assez, justement. Oui. Et ensuite, Nick Kershaw avec The Riddle. Oui, et j'ai toujours confondu Nick Kershaw avec... Nick Kershaw, c'est ça? Nick Kershaw, bah c'est ça. Hein. Tu confondais avec... Non, non, mais avec Limahl, j'ai toujours trouvé qu'il avait une voix. Ouais, ouais, je trouve. Limahl. Never Ending Story. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, bon, il y a peut-être un lien après. Quoi. Ah, je ne sais pas, mais je trouve qu'ils ont la même voix. C'était peut-être grec. Ok, bon, on va faire des recherches alors. Il y avait un lien à 3, il était peut-être grec. Pour une fois qu'il était sage. Je trouve que Limahl a la même voix que Nick Kershaw. Que Nick Kershaw, tout comme Salakis a la même voix que Amanda Lear. Allez, on se retrouve donc après Niagara avec assez Nick Kershaw de Riddle. C'est parti. C'est d'ailleurs la fête. Mais Bonjour, c'est les frères Taloche. Ça, j'aurais pu le dire aussi. Et nous sommes avec Harry. Mais sur RQC 95 FM. Tu l'as mal dit. Comment? Sur RQC 95 FM. On peut pas dire 95. Ah, tu vois. 95. Bon, bah, redis-le alors. Salut, c'est Bruno Taloche avec Harry sur RQC 95 FM. Oh, tu fais bien. Allez, au revoir. À bientôt. Vous n'êtes pas qu'avec Harry, vous êtes aussi avec Charlotte Flipcat à Canon. Oui. Voilà. Et ça la kiss. Et ça la kiss. au bon lait de brebis. Le brebis. C'est cadeau lieu, les gars, c'est la fête à ça la kiss. Hein? C'est la fête à. C'est la fête à. Oh, là, oh, là, j'applaudis, là, j'applaudis. Alors, bien placé. Elle est bonne, carrément. Donc donc nous sommes avec Onissa qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir et ça nous fait bien plaisir. Alors la pauvre sait qu'elle est en minorité. Mais elle pas peur. Non mais je me doute, mais nous on est toujours très très avenants. C'est pour ça qu'elle est venue, elle dit mais vous êtes combien? Bah 4 mecs, je viens. J'arrive. Ouais, mais elle savait pas que Charlotte était là. Ah. Non, c'était la surprise. Non, elle avait cru que c'était Charlotte. Oui, c'est vrai en plus. Ouais. Bon, Sherlock justement, c'est lui qui va prendre la parole puisque pile poil 21h. Eh, t'as vu ça? C'est l'heure de l'apérobic. Que se passe-t-il, R2? Attends, je l'ai aussi celui-là, attends. C'est la princesse Léa. Ah oui, d'accord. Ça devient du grand n'importe quoi. Mais les gars, il faudrait qu'au passage on les fasse vraiment ces jingles. Mais ça pourrait être marrant quoi. Le coup du c'est qui, c'est princesse Léa? Ah si, c'est génial. Mais enregistré, ce serait génial. Ça peut être marrant. Effectivement. Un vrai habillage. Ah si, on se parle. On a le droit de dire, il est quelle heure? Non, pas des gros mots. Oui. À partir de 22, c'est mieux. Bah, cucu, ça passe. Non, mais cucu, c'est con, c'est con. Ah non, ça fait rire tout le monde. Ah non. Je te dis cucu, tu ris, toi. Oui. Ah ouais, effectivement. Bon, effectivement, donc je vais vous parler des sorties cinéma pour... Je vais vous parler des sorties ciné pour demain, pour la Belgique et pour la France. Je vais commencer avec la Belgique, avec le film Morgan, rien à voir avec Clara Morgan. Oh, bah alors. Film avec Kate Mara, Jennifer Jason Leigh et Toby Jones. C'est un film de Gary Gross. Jennifer Jason Leigh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu depuis La main sur le berceau. Ouais. C'est carrément. Ah ouais, j'aimais beaucoup. C'est la main sur. Ah oui, exactement. Ouais, la main sur le berceau. Joaquin. Et je crois d'ailleurs que c'est la fille d'une nana super connue, mais. Vivien Leigh peut-être. Ouais, je pense. Ouais, Bruce. Maintenant pas Bruce Leigh. J'ai rien dit. Mais il lit plus parce qu'il est mort. Oh là là. Bon. Et donc c'est un film de Gary Ross. Ça sort en France le 28 septembre. Donc c'est l'histoire de Lee. Oui. On l'a pas fait exprès, qui est envoyée dans un lieu isolé, inconnu. Enfin, elle sait pas où elle va en fait. À mon avis, je crois qu'on la baïonne ou on lui masque le visage. Elle arrive là-bas pour découvrir ce qui s'est passé, pour enquêter en fait sur un événement tragique qui s'y est déroulé. Et là-bas, elle rencontre une fille qui s'appelle donc Morgan, qui est apparemment à l'origine de l'accident. Alors, soit elle est innocente, soit C'est plein de mystères. C'est un film qui est un peu fantastique, un peu thriller. Ça a l'air assez bien foutu. C'est un quoi? Un thriller. Un quoi? Un thriller. Quand c'est un thriller. Un quoi? Un thriller. Ah, tu veux dire un thriller? Ah, un thriller. Alors, ensuite, il y a Blair Witch. Ah. Oh non! Eh si, encore, Blair Witch qui sort. Numéro combien? 3, 4, 5? Non, le premier en fait. C'est un remake apparemment premier Blair Witch. Donc ça sort en France également demain. C'est avec Brandon Scott, Cali Hernandez et Wes Robinson. C'est un film de Adam Wingard. Donc c'est James et un groupe d'amis qui décident d'aller dans la forêt donc de Black Hills dans le Maryland afin James d'élucider. James et les hologrammes. Black Hills, tu l'as connu sous le nom. Tu sais que la... le film est sorti, hein, James et les hologrammes. Non. Si, je l'ai regardé. Hein. Ah, d'accord. Je l'ai vu. On en reparlera parce que là, ça va. Ouais. Donc, oui, excuse-moi. Il décide d'aller dans la forêt de Black Hills pour essayer d'élucider le mystère de la disparition de sa sœur qui a disparu en 94. Et là. Le temps. Ouais bah ouais. Alors je... en fait il a vécu sur il a vécu sur tout son héritage et là il reste plus rien, donc il dit je vais quand même essayer de la retrouver. Je ne sais pas de enfin quand est daté le film dedans, mais bah, j'imagine que non, c'est pas enfin c'est ça date des années 90. Bah, je suppose. Parce qu'en 2016 si elle ou alors lui il était petit quand ça sera disparu et là il est devenu peut-être, ouais, peut-être allé voir. Bon. Donc c'est une suite quand même du projet Blair Witch. Ouais, enfin tout le monde dit que c'est plus un remake, ça a été tourné un peu comme un remake, donc ouais, mais par rapport au scénario que tu nous annonces, ouais, c'est une suite, hein. Enfin, ça donc ça fait trois fois ils te disent c'est un remake. Bon, c'est un thriller. Donc la disparition de sa sœur, donc beaucoup la croient liée à la légende de Blair Witch. Oui. Donc ils vont tomber sur deux personnes qui vont être vachement sympas et les emmener dans les bois. Mmh. Et là il va y avoir bah, comme dans le premier Blair Witch, quoi, il va y avoir des trucs bizarres qui vont se passer. Onissa, bonjour, t'es sympa, tu viens avec moi dans les bois. Et sincèrement, moi, quand j'avais été voir le projet Blair Witch, je ne l'ai jamais vu. Ah ben moi j'étais le voir au cinéma. Ouais. Est-ce que tu as vomi? Pas du tout. Pourquoi? Mais sincèrement. Parce que c'était tourné caméra à l'épaule. Ouais, mais c'est horrible. Oui. Et donc il y en a beaucoup qui ont souffert de nausées en voyant le film parce c'était toujours en train de bouger comme ça. Bah, donc, ouais. Ouais. Ah, ouais. Mais sincèrement, moi à l'époque, je m'étais dit mais quand est-ce que le film va démarrer, quoi? Oui. Non mais c'est vrai, parce que souvent ça démarre sur des reportages machin, et au bout d'un moment on arrive sur des vraies images avec un vrai film avec la qualité d'image, et là jamais. Et au bout d'un moment j'ai dit c'est pas possible que mais non, parce qu'ils ont tourné ça comme un live footage. Ah ouais, mais ça a coûté rien, hein. Ah bah oui, ouais, c'est clair. Je crois que c'était à l'époque 300 000 euros ou un truc comme ça, c'était un truc ridicule. Et surtout qu'ils ont fait le buzz autour de ça en disant que c'était vraiment arrivé, enfin bref, quoi. Ouais, donc ça a été vraiment le premier gros buzz autour d'un film comme ça. D'accord. Un petit aparté par contre, puisque t'es vraiment monsieur cinéma, tu avais raison, c'est You Talking To Me vient bien de Raging Bull. C'est oui, ça. Ouais. Voilà, et Fuck My Wife de Taxi Driver. C'est ça, voilà. Donc, j'allais dire You Fuck My Wife, ça vient de Canon. I fuck all wives. All wives. So. Alors, everybody's wife. Je vais passer aux sorties. All things. Everything. No, I fuck everything. No things. Ça, c'est, everything one, moving. Just one finger. C'est ça. But a little dog. With yes. A hole. On the back. Everything with a hole. Yeah. Ils sont partis. Bon, fermez votre c'est parti. Donc, je vais passer au film français avec Kubo et l'armure magique qui va être appelé en Belgique Kubo et l'épée magique. On sait pas pourquoi ils ont changé. Ouais, c'est un film d'animation. Alors donc dans les l'épée acteurs qui ont doublé ça aux États-Unis, j'ai pas les voix françaises, mais il y a Charlize Theron quand même qui a doublé ça aux États-Unis. Ouais, mais ce sera en français donc forcément. Le fils de Testo. Bon, donc c'est un film de Travis Knight, ça sort en Belgique le 28 septembre. Donc c'est l'histoire de Kubo qui lui est conteur, donc dans un petit village, il raconte des fables. Bonjour, et un jour, Kubo, en fait, en racontant une fable, il invoque un démon par erreur, en fait, dans sa fable. Il invoque un démon qui veut tout détruire sur son passage. Lui, il va partir pour le combattre. Il va être aidé par Monkey et Beetle, donc deux autres personnages. Et lui, donc, il va être aidé... Enfin, il va le combattre à l'aide de son chamisen. C'est un instrument musical magique. Ouais. Le Beetle, il se bat. Et d'ailleurs, tu connais le nom du démon dans le film? Moon King. Non. Top Pneu. Top pneu. Oh mon dieu. On a retrouvé le fils de Pompon. C'est ça. L'arrière petit fils. Donc Ramucho. C'est Ramucho. Et les chroniques en disent beaucoup beaucoup de bien. C'est un très beau film d'animation. J'ai vu les affiches. On rigole souvent, mais il y a de beaux films d'animation. Et ensuite, je vais finir avec... Alors, c'est pas un film, c'est un documentaire, mais là, j'ai voulu en parler. Ça s'appelle Rock'n'Roll of Course. On n'a pas de date, malheureusement, pour la Belgique. Il y a Sting, il y a Kim Wilde et Henri Padovani. Ah bon ? C'est un film de Lionel Gage. Donc, c'est le destin d'Henri Padovani, qui est un jeune Corse de 24 ans, qui débarque à Londres en 76, en décembre 76. Et qui est le témoin d'une période un petit peu où c'était alternatif, révolutionnaire, un peu punk et tout ça. Ouais. Donc lui est musicien et guitariste, il traverse les années 80 un peu comme une météorite, donc on suit un peu son histoire. C'est pour ça, il a travaillé avec Sting, il a travaillé avec Kim Wilde, il a notamment aussi connu les Clash, les Sex Pistols, les Who, les Pretenders, R.E.M., et il y a managé également Zucchero et tout ça, donc c'est Mais pas les Forbans. Je ne pense pas. Ouais, il faudrait aller voir sur... Par contre, Sting se joue dedans avec Kimway ou alors c'est uniquement des... C'est un documentaire. Donc, à mon avis, ils ont repris des images... Ouais, intéressant, ça. Ouais, c'est quel nom, le film ? Ça s'appelle Rock'n'Roll, of course. Je le garde. Pourquoi que Billy Corse ? Ah oui, d'accord. Pas de Billy Corse. Ouais, voilà. D'accord. C'est of course. Donc voilà, of course. Eh ben écoute, on va faire un tour de table. On va commencer évidemment, courtoisie oblige. Avec Tarama. avec Aphrodite. Oh, voilà, Aphrodite Child. Ça vous donne ta grand. Ah bon, j'aurais pu dire Mykos, hein, mais. Avec Nana. Avec Nana, ouais. Ah oui. Nana Mouchkiri. Eh ben j'aimais bien, moi. T'irais voir quoi, alors, Onissa ? Moi, le dernier. Alors c'est... Ah oui, donc le documentaire. Rock and Roll. Ah oui, tout ce qui est musique, moi j'adore. D'accord. Et toi, pour toi, les années 80, ça représente quoi, enfin... La meilleure époque. Ouais, mais c'est quoi alors pour toi le... Bah, si tu devais citer des noms d'artistes. Ouais, voilà, des artistes. Bah, des noms d'artistes. Allez, moi je vais dire, j'ai. Bah, déjà, les disques sur lesquels j'ai dansé quand j'étais plus jeune, bien sûr, à cette époque-là. Le Zizi. Non, mais. Aussi. 1980, pas 1880. Non, j'ai bien compris. Il y avait merci. Déjà des disques. C'est comme mais, qui par exemple Ah, ben, t'avais le. Enfin, moi j'avais le groupe Image. Oui. Début de soirée, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Bien sûr. J'aimais bien. Donc t'aimes bien la partenaire culture française. Particulier. Oui, moi j'aimais bien. Bah, je préfère chanter en français puisque je suis nul en anglais, donc c'est pas bien. Bah, parce pourtant Canon, lui, il chante en anglais. You oui, mais... raise me up. Ah, mais bon, merde avec celle-là. C'est quoi, ouais, mais c'est celle-là, ouais, mais obligatoirement, ouais. Quand tu on pleures, parle de toi, c'est ça, pleures. Ouais. Ah, non, mais... On pleure pas, j'ai tenté de voir. Mais nous, quand on parle de Canon, à chaque fois, même quand il n'est pas là, d'un coup, on dit, ouais, en fait, t'as des nouvelles de Dom, parce que aussi on l'appelle Dom aussi à titre perso, mais et là, d'un coup, on fait, you raise me up. C'est vrai. C'est vous. Ça nous a marqué cette chanson, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, elle marque les gens. Elle marque, ah les, oui, gens. Carrément. Marque les gens. Ah oui, parce que tout le monde essaie de chanter, d'un coup il arrive avec ça. Là. Et pas que les gens, hein, les Paul, les Pierre, tout ça. Ah, c'est vrai, tu me demandais comment on s'est connu, c'est au championnat de karaoké. Il y a eu un championnat de karaoké. Fin de... Il est parti avec le premier prix, ouais. Donc, franchement. Voilà. Ah oui, et toi, le second, j'imagine. Non, ouais, non, moi. On est parti ensemble. Ça va pas le dire. On est parti ensemble. Ah, t'es parti avec le premier prix aussi. C'était un voyage pour deux. Hein. Ouais, voilà, donc il fallait bien qu'on trouve. Alors, Canon, t'irais voir quoi le, bah, maintenant qu'on y sait, va voir le dernier. Bon, j'irai au Love Seat avec Onissa. Non, non, mais si, si, le Rock and Roll Course, ça m'intéresse. Ouais. Ouais, ça peut être ça. C'est Rock and Roll Course. Non, c'est Rock and Roll Of Course. Rock and Roll. Bah, c'est un jeu de mots avec Of Course. Oui, j'avais compris. Ah non, et puis même, le personnage, quand même, il vient de Corse. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, Henri Padovani, il est Corse à la base. Flip 4 ? Bah, Of Course. Ah aussi ? Ah bah ouais. J'avouerais quoi, pourquoi pas. Mais je vais peut-être attendre que ça sorte en DVD ou en. Et tu iras le voir après au Cinoche éventuellement. Bah, il faut aller voir un documentaire au Cinoche, ça me gêne toujours un peu. Quoi. Enfin, mais dans le son, il y en a de bons quand même. Mmh. Oh, mais chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. J'ai un casque. Il a le son, il a, le son, il a l'avoine, le blé. Ouais, voilà. J'ai un casque hein, sur ma télé. Oh, vas-y, va. Ouais. Et le Love Seat, moi, je l'ai aussi. Je peux, on peut être à trois. Donc, c'est vrai oui, bah oui, carrément. Oh, et bah, écoute, merci à toi. C'est Sherlock. Bon de savoir, les mecs, hein, un jour on ira chez ouais, ouais, bah oui. Harry, on attend. Mais vous êtes déjà venu, Sherlock est déjà venu. Ouais, ouais, une fois. C'est vrai. Moi non. Une fois. Non. Ah, ouais, tu t'as crémaillère d'il y a 4 moi ans. Moi non plus. Non, mais non, ça non, je t'ai déposé ce que je pensais être chez toi, mais en fait, il s'avérait que c'était pas chez toi. Là, il a grillé. Ah, ouais, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs, dit, en j'ai, et à l'époque, j'ai même pas réalisé. Non, c'est le lendemain matin, effectivement. Je suis pas chez moi. Digicode. Harry rentre tout de suite, je crois qu'il y a le câble chez toi. Non, mais c'est pas chez moi. Ça, c'est une grosse histoire. Mais la bonne chose, c'est que tu te souvenais du code. Donc moi j'ai pas cherché à comprendre, je pensais que t'habitais là. Non non non. Donc j'ai dû taper le code pour lui, mais j'étais pas chez lui. J'avais l'habitude d'aller chez cette personne et oui, voilà. Voilà. Bah, et c'était suite à une réunion RQC. En plus. Qui suivait. Oui oui oui. 4 ans à l'heure. Exactement. Avec des prolongations chez notre ami Roger, n'est-ce pas ? Oui oui. Oui, j'ai encore sa pièce de 5 francs belges. Eh oui oui. On prolonge. On prolonge bon. Très bien chez Roger Roussman. Il y a de bons whisky. C'est entre autres. Bon, il y en a qui s'en souviennent. Sherlock. Coupure musicale, évidemment. Une petite, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais, moi, musicale. Ce que je propose, ouais. C'est qu'on demande essaye de trouver un nom de sauce ou un truc. Satiki. Satiki, ouais, c'est ça. Non, qu'on demande à Onessa, évidemment. Onissa. Onissa, j'étais pas loin. Mais ça fait un peu japonais, Onissa. Parce que Nissa, c'est grand frère en japonais. Onissa qui est ma grande sœur. C'est ce qu'on dit. Hein. Alors, Onissa, on te propose l'ABC son, tiens. Oui. Allez. Ouais. La baissée son, rappelle le principe à Onissa. Alors, la baissée son, je vais te demander une lettre et un chiffre. Et par rapport à ce que tu vas me dire, je vais te trouver une chanson. Alors, dit, une lettre dans l'alphabet français. On avait dit pas des trucs trop compliqués au nouveau carré. A7. A7. Allez, c'est parti, ça, va pas être... bon, ça devrait pas être compliqué. Non, bah pour toi. Dès qu'on lui met des trucs à deux chiffres, il hésite. Mais il m'en a dit qu'un. Ah bah, ouais. AC/DC avec Back in Black. Ah, yeah. C'est bon, ça déchire. Ah ouais, ça c'est bien. C'est bien. Vas-y. Et ensuite. Un second. Ah, il y a deux. J'ai pas. Bien sûr. Alors. Il y a que 26 lettres. Hein. Z29. Ouf. 29 dans les Z. ZZ Top. ZZ Top. Attends. Tu t'as pas 29 titres dans les Z quand même. Non, j'en ai que 6. Bah, et tu vas faire, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, c'est facile. 6 x 5, 30 mois. Hein, donc c'est le 5. C'est ça. Donc c'est ZZ Top avec Legs. Yeah. Ah, c'est bien, ça va être très rock. On a mis La Grange, mais c'est Legs. Ça commence par elle aussi. Et voilà. C'est très bien. Bah, dans La Grange, et bah, de cette là, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Bonsoir. I'm glad to be back. Salut les gars, les filles, c'est Richard Gottener dans les écoutilles. Retrouvez-nous avec Harry sur RQC dans 80 heures. Je compte sur vous. Salut les gars. Ciao. Et salut les filles. Pour Harry. Non mais tu vas falloir faire une chose. Non non non. Alors je vous explique pour la petite anecdote si vous n'êtes pas encore au courant, c'est que effectivement il y a toute une flopée de jingles qui existent, quelques-uns d'artistes qu'on avait reçus les années précédentes parce que l'émission quand même existe maintenant depuis 11 ans. Eh oui. Et oui. Ouais depuis 11 ans. On va d'ailleurs. Et à l'époque où vous étiez gamin, hein, vous étiez gamin, vous étiez pas là, voilà. Et donc effectivement il y avait beaucoup de jingles puisqu'on était deux. Flex et Harry, voilà, c'était, oui. C'était aussi notre ami Flex, ouais. Que j'ai Flex, connu. Absolument, ouais, moi aussi. J'ai connu. Voilà. Et, ah oui. Et voilà. Et donc à l'époque, bah, les artistes, quand ils venaient, ils faisaient un jingle, ils disaient vous êtes chez Flex et Harry, machin, bah, bref, je vous passe les détails. Et Sherlock a eu la bonne idée de reprendre les jingles et de couper Flex. Bah oui, donc c'est pour ça que maintenant vous entendez celui, c'est Richard Gottener avec Harry. Il y a un flex hein, dans le coin, mais voilà, il a été coupé sauvagement, donc voilà. Sauvagement, j'ai essayé de faire ça quand même proprement. Oui, oui, oui, mais c'est parce que nous on le connaît, donc effectivement, quand on l'écoute, ça, c'est un peu interpellant. On se dit, bah oui, il y a un problème là. Mais bon, enfin bref. Donc, mais on va essayer d'y remédier quand même, parce que effectivement, maintenant, voilà, on commence à rencontrer plein d'artistes. Regarde Thibauti, maintenant, aujourd'hui, nous a fait un super jingle d'ailleurs. Mais c'est à nous de leur proposer, hein, je pense qu'il suffit, voilà. Il suffit de leur dire, une fois les enregistrés, bien sûr, le jour où ils absolument. Parlent. Il y a plein, plein d'artistes. Je vais vous dire une chose. Pendant la pause déjeuner, ce midi, j'ai fait de la veille. Oui. Et j'ai eu un gros coup de... C'était ce midi ou c'était la veille? Sanitaire. J'ai fait de la veille. Non, mais attends, s'il te plaît, Sherlock. Oh, oh. Bah alors, on était lundi. Alors, explique ce que c'est de la veille. Parce, oui, parce que les auditeurs ne le savent pas forcément. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà. Je regardais un peu. Non, mais toi, t'es grec. Ce qu'on pouvait dire sur l'émission 80 heures, ce qu'on pouvait dire sur RQC, ce qu'on pouvait dire sur Sherlock, sur Canon, sur Flipkart, sur Harry, évidemment. Parce que parfois, il y a des infos. Bien sûr. Parce que pour la petite info, c'est qu'il y a des articles sur lesquels je suis tombé. Où je les avais jamais vus, jamais. Non. Des artistes, oui, des artistes qu'on reçoit, bien sûr. Et qui et sur qui leur site officiel et qui s'expriment, et qui nous. S'expriment sur notre bien émission sûr. En disant c'était génial. Très souvent, c'est très génial. Donc, oui. Je connais qu'un seul artiste où il a dit on s'est fait chier, mais voilà. Bah, ah, tu peux le citer. Hein. Ouais, cite-le, je me souviens plus. Je me souviens plus. Ouais, nous, non plus. Nous non plus. C'est pour ça. Non, mais il y a très longtemps, effectivement, il y a un artiste qui m'a dit c'est quoi cette émission. Enfin bref, qui se l'a pété, mais franchement, je m'en souviens plus. Mais donc, j'ai fait de la veille, et là, je me suis dit. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'infos sur l'émission qu'on n'arrive pas à regrouper, oui. Ou revenir dessus et se dire, bah, tiens oui, semblant de rien, je reprends l'exemple de Florence Cassé, où à l'époque on avait soutenu sa libération, oui. Il y a plein d'articles mais qui parlent de nous en disant, voilà, ils étaient là pour soutenir Florence Cassé. Non, c'est clair. Ils sont loin sur Internet, vous allez chercher. Il y avait Patty, il y avait Fred Alain Pantieux, je crois. Oui, Fred Alain Pantieux. Michel Sanchez, oui, qui, quand même, qui a fait. Harry qui avait, Deep non, Forest. Deep Forest, quand ouais. même. Bah, Deep Forest. Ouais, Sweet Lullaby. Absolument. Alors, oui, après, pour Cassé, on en avait parlé après, c'est quelque chose où, voilà, il faut dire aussi. Par rapport à la prise de contact qu'on avait eue et que j'avais eue aussi à l'époque, tu sais, pour essayer, il n'y a jamais eu la moindre réponse. Non, mais je trouve, parce que les mots ont été lus, que ce soit son attaché de presse, de com, de tout ce que tu veux, la moindre des choses, un courrier, un petit mot, ne serait-ce que merci à toute l'équipe, tu sais, très consensuel, copier-coller même à tout le monde, mais il n'y a même pas eu ça. Et c'est pas, on ne fait pas ça pour les choses, d'attendre ça, mais ça aurait été la moindre des choses. Je ne sais pas quoi te répondre, Canon, parce que honnêtement, on a vécu une expérience qui était, je pense que à l'époque, alors c'est Flex qui était à l'initiative donc, de cette histoire-là, parce que moi j'étais même pas au courant de Florence Cassé, je la connaissais même pas, ni d'Ève ni d'Adam, mais vraiment pas du tout. Et on a reçu ici quand même donc les parents, on a reçu plein d'artistes, Michel Sanchez évidemment donc de Deep Forest, Patsy, j'en passais des meilleurs et plein d'autres qu'on connaissait pas forcément et qui étaient quand même assez connus. On a eu des appels téléphoniques, oui, on a eu le l'avocat directement qui dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Là il est occupé avec Abdeslam donc forcément c'est un peu compliqué. C'était mais pas la voix non. Casser l'avoine. Oh non. C'est pas Maître Collard ou Non, c'est non, il est de Douai, enfin bref, assez connu. On a eu plein de contacts avec Romero, avec le premier évêque là. Hein? Non, ça va. Si, si, hein. S'il te plaît. Non, si, si. S'il te plaît. N'hésite pas. Oui. Ne t'excuse jamais de ce que tu dis à la radio. Romero et Juliette. Elle était trop belle. Moi, je l'ai bien entendu. Moi, je pensais plus à Georges Romero. Et on a organisé une manifestation à Lille, quand même sous l'égide de la radio, à l'époque, où on s'est retrouvé à faire une manifestation inopinée. Dans lequel j'ai reçu quand même Monsieur Daubresse, qui était le ministre des Sports et de la Santé. J'ai ça devait être chaud, non? Hein? Je disais, ça devait être chaud. De recevoir Daubresse. Oh, s'il te plaît. Non, arrête, s'il te plaît, putain, tu arrêtes. Donc non, c'était quand même un bel événement. Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot, j'ai reçu Monseigneur Gaillot, j'ai reçu plein de gens, plein de sommités. Hein? Monseigneur Gaillot aussi. Oui, non mais tu te fous de ma gueule là ou quoi? C'est parce que tu viens de le dire trois fois, tu vois. Mais non. Bon, enfin, j'ai reçu Monseigneur Gaillot, Enfin bref, je reviens sur ce que Canon était en train de dire. C'est vrai qu'on avait vraiment créé l'événement à l'époque. Et dans le studio c'était blindé, dans le bar c'était blindé. Et on avait tous les partisans à la cause de Florence Cassé étaient là. Et on a eu un appel de Florence Cassé, qui nous a appelé en direct des studios, qui nous appelait de sa prison. Ah ouais, carrément, c'était émouvant, mais terrible, avec les parents qui étaient là, enfin bref. C'était, je crois que c'est une de nos meilleures émissions, mais c'était pas une émission festive du tout. Mais pas du tout. Ouais, non, j'imagine. Et donc voilà. Et on a eu Florence au téléphone, et on a eu l'occasion de discuter avec elle, allez, 5-10 minutes, à tout casser. Et à un moment, on s'était dit, bah oui, quand tu vas être libéré, tu viens. Et on te fera des moules frites et on va se faire une partie de ping-pong. Parce qu'elle adore le ping-pong, machin. Et puis quand elle a été libérée, on n'a pas eu de nouvelles. Quoi. Moi, je dis, ça peut s'entendre, mais attends, cette femme, à la limite, on le fait pour ça. Je veux dire, quelque part, sur son organe de presse, avec tout ce qui a été levé, tu t'attendais quand même à ce qu'il y ait quand même un petit réponse. Retour. Ouais. Là, il y a un mot de sa part, il faut savoir qu'elle est devenue maman, assez récemment, depuis sa libération. Avec son mari mexicain, d'ailleurs. Voilà, sa vie est tout à fait banale. Elle est employée dans une grande entreprise de conseil. Elle travaille toute la journée devant un ordinateur, dit-elle, donc en référence dans un journal de Pure People. Aujourd'hui, je suis heureuse avec mon mari, ma fille. Quand je me lève, c'est la course, les biberons et les couches, et j'adore ça. Comme quoi, ça marque une prison mexicaine, et on s'en fout. Et s'en bat les couilles comme de l'an 40, parce que moi, je trouve que... T'as dit couilles désolé. Ouais. Il n'est pas encore désolé. Mais moi, je pense... Elle a été blanchie, en fait. Oui, mais peu importe, quand même, un petit retour, c'est... Même une phrase, quoi. Et je pense même pas à nous, parce que je ne suis pas égoïste, je pense à Fred Alan Pontieux, qui quand même... Excusez-moi, j'ai un petit tout. Fred Alan Pontieux, quand même, qui a créé l'UAFFC, United Artists for Florence Cassé, qui a regroupé des centaines d'artistes, de sportifs, d'écrivains, de gens très connus, et qui ont œuvré pour la cause de Florence, et je crois que Fred n'a pas de retour. Non, bah c'est ça qui me... Il est allé même jusqu'à aller la voir au Mexique, dans sa prison. Il est allé la voir, et le retour, rien. Je te parle même en collectif, tu vois, je suis d'accord avec toi. Sur la France, t'imagines, un jour, on te dit, il y a 350 000, 1 million de personnes qui se sont mobilisées. Il est évident que tu peux pas les voir toutes. Bien sûr que mais, dans une fois un message collectif, une vidéo YouTube que nous, on arrive à tourner avec une GoPro vite fait, avec un fond bleu, moyen de s'exprimer pendant 3 minutes sous contrôle de son agent de presse et de remercier tous ceux, notamment le machin de... Bien sûr. Tu vois, et ça n'existe pas. Donc je me dis quelque part, ça n'a rien à voir avec son innocence ou sa culpabilité. Ça se fait pas. Par contre, le livre qui a été écrit, où elle reprend tout ça, tous les gains, enfin voilà, ça, elle a su le faire. Donc voilà, c'est peut-être méchant. Je rappelle quand même au passage, c'est que ce sont les parents qui sont venus nous voir en disant, est-ce que vous pourriez organiser une manifestation sur l'île et on l'a fait. Oui, bah eux, c'est vraiment. Les parents, ils étaient. Mais après, plus de nouvelles. Silence radio. Ah oui, parce que le papa de Florence, on le connaît bien, hein, même la maman. Qu'on a vu plusieurs fois, qui nous aimait beaucoup, et puis après, terminé. Ouais, quand j'ai été libéré, terminé. Donc il y a peut-être eu aussi avec la libération, enfin là, c'est pas théorie du complot, mais des choses qui ont été dites, ou la façon dont ça s'est fait, où on dit à tout le monde, vous ne rentrez plus en relation avec n'importe quel organe de presse, et ils l'ont peut-être signé. Ah oui, bien sûr, mais c'est clair. Il y a un truc gouvernemental qui a été fait avec le gouvernement français. Je vais pas rentrer en détail, après on va fermer la parenthèse, parce que c'est pas non plus la vocation de l'émission, mais Fred Alan Pontieux, à l'époque, faisait des pieds et des mains pour la libérer. Oui. Donc, à son niveau, quoi, parce que c'était pas évident. Donc, toutes les radios, machin. Non, mais là, pour le coup, je plaisante pas parce que, honnêtement, il a reçu un recommandé de l'avocat en lui disant vous arrêtez tout de suite. Ah oui, bah tu vois, bon. Mais c'était une semaine avant sa libération. Donc vous arrêtez tout de suite, vous faites plus de bruit. Voilà, vous parlez plus d'elle, machin. Après, derrière, je crois que peut-être d'ici 20 ans, on connaîtra la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ouais. Sarkozy est intervenu, ouais, bien sûr, mais il a payé alors, peut-être, ouais, j'en sais rien. Il lui a rien, fait mais... peur, mais la moindre expression, on a tout à fait du moment qu'on n'est pas en train de casser quelqu'un, on a le droit de s'exprimer. Donc, quelque part, s'il avait voulu continuer à chanter des chansons disant « je veux la libération de l'avocat », il ne peut absolument rien faire. C'est le droit de parole et d'expression humain. Oui, mais c'est pas une personnalité ouais, c'était publique. C'était quand même plus. C'était chaud quand même. À la fin, tu peux. C'est parce qu'il y a eu de toute façon des arrangements entre le gouvernement français et mexicain. Je vous rappelle qu'il y a eu un boycott qui avait été fait de l'exposition. Ça a été jusque là. On s'en rend pas compte, mais dans ce type d'histoire, et après on va arrêter parce que c'est pas du tout le truc de l'émission. Mais on est passé sous le crible quand même des renseignements généraux. Hein, pour la petite information, savoir qui on était, quelle émission, quelle radio, et voilà. On a été surveillés. Mais c'est ça, tout est sous contrôle. Hein, oui, mais tout était sous contrôle. Ils vous ont quand même laissé faire l'émission. Ils t'ont laissé faire, toi ? Comme quoi ? Ils ont épluché ta vie. J'ai eu l'occasion quand même, à ce moment-là, et bon, moi, ça m'interpelle pas plus que ça, mais de Hervé Morin, je sais pas si vous vous rappelez quand même, qui était le ministre de l'Intérieur, il est arrivé, on était dans un petit café à Lille, et il est arrivé avec les voitures officielles. Moi, je suis pas très politique, donc il est arrivé, il m'a serré la main, je dis bonjour monsieur, je sais pas qui c'est, mais il m'a dit, oh, tu sais pas qui c'est, non, pas vraiment, non. Et c'était, donc c'était bien encadré, sur la photo, il y a quelque chose. C'est qui le monsieur à côté d'Harry? Mais moi, ça aurait pu être ma phrase, parce que je suis pas très politique non plus. Hein. Non, mais moi, je connaissais pas du tout. C'est une blague là-dessus, c'est au Vatican, mais le mec en blanc avec un truc, c'est qui à côté d'Harry? Mais sérieusement, je pense que derrière, il y a toutes des histoires politiques, on le saura peut-être un jour, mais et je doute pas de l'innocence de Florence. Elle était blanchie, de toute façon, de... Non, elle n'a pas été blanchie. Elle était innocentée, c'est pas pareil. Ouais. Parce que blanchie, c'est elle était coupable et on l'a blanchie. Je pense qu'elle était innocente, vraiment. D'accord. On a eu l'occasion d'en discuter avec elle de vive voix et sincèrement, ou alors c'est vraiment une comédienne, mais on a chié des ronds de. Ouais, si, quand même, c'est spécial. Non, sérieux, franchement, honnêtement. Bon, allez. On va continuer en musique. Oui. On a bien plombé l'émission. Avec deux titres que j'allais passer juste avant la BC Song, mais que j'ai décalé. Avec Murray Head avec One Night in Bangkok. Ah ouais. Et ensuite un truc français qu'on passe pas souvent. Ça rassure. Avec une merde française. C'est pas une merde. Bah un truc. C'est pas une merde. C'est beaucoup plus lent. Ça s'appelle Elle Imagine et c'est de Nakash. C'est vrai qu'en radio, on l'entend beaucoup moins. Et Nakash qui avait recréé un groupe après, faisait des chansons, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, on dit ça, et moi je dis tout à l'antenne, c'est parce qu'on perd peut-être le format des Français, chansons françaises, puisque RFM, pour ne pas les citer, j'ai écouté, je suis resté branché pendant deux jours dessus, il y en a plein comme ça. Mais c'est le problème de Sherlock, parce que Sherlock il nous dit « Ouais, mais là, ça va être un truc... » Mais non, on adore Nakash. Mais c'est parce que souvent, quand c'est un truc lent, tu me dis « Ouais, mais c'est lent, les auditeurs, ils vont se faire chier... » Mais non, jamais de la vie. C'est une super... c'est une super chanson, j'adore ça. On se dit ça, semaine prochaine on reçoit Tivoti, on en reparlera, mais la semaine d'après, si on n'a rien, on se fait une soirée une fois française. Bien sûr. Et on reprend des artistes français, on reprend des spéciales palmarès des top 50 français, des trucs. Ça peut le faire. Ça peut être bien ça, pour reprendre un petit peu. Voilà. Pourquoi pas, c'est toi qui feras palmarès. Et Flipkat, il fera une chronique sur les Forbans. Je l'ai fait. Il reste les Vagabonds, je vais le passer. Sur Jesse Garonne. Sur Jesse Garonne. À ce moment-là, Billy, tout ça, c'est sur le. Ouais, Billy ça aussi. Va déraper. Non, mais j'ai une réputation à tenir, moi, monsieur. Ah bon? T'as une réputation? Oui, tout à fait. Bon, allez, donc on se retrouve juste après ça, One Night in Bangkok de Murray Head et Nakash avec Elle Imagine.

l'espoir a bien ouvert les océans. Y'a tant d'images dans ses yeux pleins d'espoir. Y'a tant d'envie de tout savoir. Elle imagine, elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ses musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ses rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ses musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ses rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux. Elle imagine dans le chemin de l'art et des regrets. Elle imagine dans le miroir du temps qu'ils étaient simplement des gens heureux. Alors pour les amis de RQC et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline. Alors moi, la sélection de Nakash avec Elle Imagine, ça faisait longtemps que je l'ai pas entendu et j'adore cette chanson. Ah oui, mais oui, moi aussi. Ah ouais, et alors, faudrait retrouver parce que sincèrement, le chanteur principal a fait une longue carrière. Je crois qu'il fait encore carrière aujourd'hui en tant que compositeur, en tant que. Il fait pas mal de choses parce que j'en avais entendu parler. Et quand tu réécoutes ça. Que du bonheur. Eh ben c'est vrai. Mais ça ne rajeunit pas hein, parce que ça date de. Mais c'est pas important que ça rajeunisse à peu près. Ça date de quand Mais c'est ce que j'allais dire, tant qu'on ne connaît pas la date. Hein. Parce que de celle-là, il est passé, je l'ai plus. Alors c'est N. N-A-C-A. SH. Non, le chiffre. Non, mais ah. C'est vrai que c'est le bon ton, sur le monde de dire que ça nous rajeunit, mais. 87. Ouais, 87. Ça a 30 ans. Eh ouais. T'étais tout gamin à cette époque-là. Hein. Ah oui, bah oui, absolument. Ouais, moi, ouais. Moi aussi, mais moins. Et moi encore beaucoup moins. À l'époque, Flipka, tu venais me chercher à l'école. Ouais, je confirme. Avec son long imperméable. Et alors, je peux vous dire une chose, qu'est-ce qu'il était avec ton chiant. Fils de 20 ans. Ouais, ouais, mais j'en vais lui tarter le coin, il était chiant. Non, mais on est tous jeunes dans la tête et c'est le ouais, principal. C'est le principal. Bah, et tu sais quoi, on va prendre un petit peu d'avance sur. Bah oui. Ah, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Non, non, ouais. C'est pas c'est ça. Il change de fringue, change de t-shirt, mais nous, un vrai t-shirt. Ah oui, on a pas ouais, le t-shirt aujourd'hui. Alors, Onissa, il faut savoir qu'en fait, Sherlock il faut que je prenne la photo aujourd'hui. Change de t-shirt, déjà, ça, c'est une bonne chose pour nous, mais il a une collection mais impressionnante de t-shirts, mais les plus barrés possibles et inimaginables. Il ressemble à rien comme lui, et ça va bien. C'est ah ça. Ouais, ceci dit, ce soir, il a été calme. Hein, parce d'habitude, bah ouais, je sais. Mais je te dis, j'en ai commandé 3. Donc il y en aura un, c'est Back to the 80s. Yeah. Façon retour vers le futur. Ouais. Et ensuite, il y en a d'autres, deux autres que j'ai commandé. Merci. Oui, il y a celui où I fuck Clara. C'est ça, hein? Non, non, il n'y a non, pas non. ça. Non, non, il y en a un où tu vois, en fait. Clara aussi. Tu vois deux personnages assis sur un banc, un petit et un grand. Ouais. Et t'as le petit qui dit ton père, je suis, et le grand, c'est Hulk. Ah oui, oh ah, oui, il est connu ça avec Yoda. Ouais, c'est Yoda ça. Et Hulk. Ah oui. Oh, sympa. Ton père, ah, bah, il faut le dire que c'est Yoda, parce que c'est pas marrant. Et le dernier, je sais plus, mais j'en ai encore d'autres tout le coup. Mais tu les commandes où, en fait? Merci Jackie Michel. Sur un site où on peut imprimer des t-shirts. Ah oui, là c'est cher. Tu payes cher ou pas, sans indiscrétion? C'est 20 balles le t-shirt. C'est bien. Ah, quand même, 20 balles. C'est rien. C'est rien, je vais dire 30 balles, moi. C'est moins cher qu'Apollo. Non, c'est 20 balles le t-shirt. Sa qualité. Oui, c'est sûr. Après, c'est la première fois que je fais, donc je sais pas la qualité que ça va avoir. Je savais dire. Non, parce que pourquoi on rigole à l'antenne, c'est que Harry parlait des polos qu'il n'aime pas. Oui, il aime pas les polos. Phobie des polos. Voilà. Non, j'ai pas une phobie, j'aime pas. C'est pas une phobie. Non, mais quand même. Hein. Le seul truc RQC que j'ai, c'est un polo, donc des fois j'en mets. Ah, mais c'est pour ça en fait. Mais oui, mais voilà. D'ailleurs, vous l'avez aussi, vous? Non. Bah, pas du tout. Vous avez pas le polo RQC, comment ça c'est? Ah, rien. Bah, du parce tout. Que bon, Rico, on a pas eu ce plaisir. RQC, si tu. Rico. Rico, si tu nous écoutes. Allo, allo, Houston, nous avons un problème. RQC, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, il va falloir nous fournir des polos. Voilà, absolument. Avec la photo de Rico, non? Mais donc, vous êtes arrivé après. Donc, on a eu une livraison de polo, mais vous êtes arrivé après. Tant mieux. Polo, le bonbon le plus trou. Il y avait une pub. Ah oui, mais c'est vrai, ça me semble. Moi, j'attends avec impatience qu'on ait. Et c'était Philippe Castelli qui faisait la pub. Oui, ah bon, oui, tu as raison. Ça, je me souviens. Ah oui, polo. Ah oui. Le bonbon le plus trou. Absolument. Polo, le bonbon le plus trou. Et vous savez, j'ai découvert un truc aujourd'hui. Ouais. Alors, je sais pas si on est encore plus ringard que toi, c'est ça? Ah non, bah. T'as trouvé ton. Ta gueule. T'as trouvé ton sexe? Non, non, mais. Timide et sans complexe, vous rappelez ou pas? Oui. Tout à fait. Oui. Tu te rappelles? Oui. Alors, c'était qui? Je connais pas. Ouf. Si, c'est un acteur super connu, quoi. Francis Perrin. Ouais, mais le nom. Non, c'est pas Perrin. Non, c'était un film. C'était un feuilleton américain. 14 épisodes. Avec un black, un blanc. Évidemment, timide et sans complexe. Il y en avait un qui était plutôt timide et l'autre qui était sans complexe. Et le timide est super connu. Il est devenu un acteur hors pair. Non, évidemment. C'est pas Danny Wilde. J'ai plus le nom. On va. Jeff Goldblum. Oui, Goldblum. Goldblum. Mais oui, bien sûr. C'est là qu'il s'est fait connaître avec après la mouche. Payton, voilà. Ouais. Absolument. Non, c'était avant. C'était bien avant. Hein. Non, mais c'est après comme ça qu'il. Oui, après. Oui. Après, il s'est fait connaître avec la mouche et puis avec Jurassic Park, évidemment. Ouais. Et je regardais justement parce que voilà, j'aime bien de temps en temps regarder comme ça un peu les vieux épisodes. Timide et sans complexe, ça te parle ou pas? Pas du tout. Mais je... Ah, pourtant, c'était connu. Hein, je pense que c'est pas possible. Ça devait bien, pourtant. Peu d'épisodes. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 14. Je ne les ai pas tous regardés, mais 14 épisodes. Pensé que c'était... Exactement, il y a 14. Il y a beaucoup de séries comme ça, comme des séries, enfin une série des années 80 qui a beaucoup marqué en France, c'était Manimal. Ah oui, mais oui, il y en a Manimal, il y a eu 16 épisodes. Non, c'est clair. Il y a eu que 16, ouais. Tonnerre mécanique, ouais, il y a eu aussi, je crois que 16 épisodes. À Manimal, par contre, le gars, c'est vrai qu'il était, il ressemblait à un autre acteur très très connu. À chaque fois que je le vois, je me trompe avec ce gars-là. Celui qui jouait, c'était Simon McCorkindale. Ah oui. Ah eux, c'est des bibles, hein. Ils savent tout sur le même. Avec des effets spéciaux, mais pourris, comme c'est pas permis. Ouais. À l'époque, faut voir les bons. Quand tu voyais, ouais, les mains qui gonflaient pour devenir des pattes de. Mais on peut le faire sans. Oui. D'accord. Mais à l'époque, faire sortir les plumes de la peau, c'était vachement chaud à faire. Et justement, ça me rappelle un film. À chaque fois que je voyais cette partie-là de la main qui gonflait, je sais pas si vous avez vu Le Loup-garou de Londres. Oui. Ah oui. Avec le morceau des Creedence à ce moment-là où il y a la transformation Bad Moon Rising. Bah c'est pareil. Ah c'était bien. Pour l'époque, c'était bien, il faut dire. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, effectivement, j'ai découvert que la voix donc, de Jeff Goldblum, c'était Pierre Arditi. Ah ouais. Ah, Pierre Arditi. Absolument. Et il a souvent fait la voix de Jeff Goldblum. Et je voudrais savoir si, encore aujourd'hui, c'est pas Pierre Arditi qui fait la voix de Jeff Goldblum. D'accord. Et ouais. Comment tu as dit, Jeff Goldblum? Goldblum. Jeff Goldblum. Tu arrêtes, s'il te plaît. Par contre, il y a deux jours, je regardais Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, l'original. Ouais. Deux semaines. C'est, j'adore. Franchement, ouais, ça, c'est excellent. C'est vrai que ça vieillit pas trop, celui-là, par contre. À part quand ils se mettent à courir avec les soldats, les armes qui sont pas adaptées par rapport à l'époque, puisque tu vas quand même sur Mars, donc ils ont des armes automatiques style mini-Uzi. Mais à part ça, bon, c'est encore assez crédible. Il y a que la meuf qui vieillit. Il y a que la meuf qui vieillit. Ouais. Sharon Stone. Ouais. Mais enfin. Cela dit, il est pas trop mal, pour l'âge qu'elle a, j'ai vu ses photos. Ouais. Ok, on va toujours dire, il y a toujours record à la chirurgie. ce qui se voit quand même, elle est encore bien conservée. Mais ouais, tu sais, elle, le prof d'un mec qui se tape le coquillard sur le bord d'un baignoire, c'est toujours la nana dira pas, ouais, vieille, mais ceci dit, on les a même pas dans notre livre. Non, je suis d'accord, mais je l'ai vu en photo. Elle a fait des photos pour je ne sais plus quel magazine. D'accord avec toi. Oui. Je suis contre lui. Non, mais je suis bien. Super bien, Sharon Stone. Non, mais elle est quand même bien conservée. Elle vit mal en ce moment. Excusez-moi, elle vit mal parce qu'elle porte des lunettes à tôle. C'est que vraiment. Elle porte des lunettes à tôle, donc c'est comme Carambeu. C'est pareil hein, parce qu'elle achète des lunettes à 1 euro chez Raflelou. C'est que vraiment c'est la dans, crise. Dans Basic Instinct, c'était Raflelou. Oui, mais là où je te rejoins, c'est vrai que ce sont des gens qu'on a vus à une certaine époque qui ont marqué notre époque. C'est normal, notre génération. On ne les a plus vus depuis un certain temps. Ils refont surface. On se dit, oh la vache, ils ont vieilli. Pour certains, mieux que d'autres. Mais c'est vrai qu'elle, j'ai vu, là, j'étais quand même étonné. Mais c'est la magie de la télé. Enfin, le problème, une chose qu'on ne fait pas aussi, bon, on n'est pas maquillé et tout, c'est prendre une photo de nous à 12 ans, 16 ans, 25 ans, 30, 40, 45, 50 et les mettre en à 50, temps c'est pas possible, moi. D'ici 2-3 ans. Moi non plus. Mais c'est vrai, et je me dis parfois, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ne sont pas comme moi. Moi, je le fais, j'ai commencé à le faire. Je vais à rebours maintenant. Je suis reparti en arrière. Attends, tu rajeunis. Lui, c'est Benjamin Button maintenant. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Sherlock. Oh. Nom de Zeus. Moi, je dis plus Harry, parce que la dernière fois, on m'a dit... Et Harry, on l'entend. Dis Harry, Sherlock, Canon... Non, mais il n'y a pas la place dans la bagnole. Nom de Zeus, les amis. Montons tous de l'ordre dans la DeLorean. Serrons-nous un petit peu. Et repartons vers l'année 1989. Putain, c'est bon. T'as jamais été aussi bon. Calé et tout, hein, t'as vu ça? C'est franchement. Et au fait, si tu veux changer la DeLorean, à savoir que la marque a été rachetée, et ils vont en refaire des neuves avec le stock de pièces. Donc ça sera peut-être l'occasion de la changer. Ok, ça marche. Ah. Je remettrai deux sièges à l'arrière alors. Donc, oui, effectivement, je vais excuse-moi, mais tu peux juste laisser la musique parce que j'adore. Ça, c'est intéressant. elle est belle. Non, elle est sérieusement. C'est du Williams derrière, non? John Williams? Ah, peut-être pas. Fait ça, non? Je sais pas. Non, c'est pas John Williams. Oh, c'est pas son empreinte. Voilà, je serais surpris. Si, ça ressemble à E.T. et tout, hein, quand même. Hein. Ah, ouais. Je me demande si c'est pas du John Williams, quand même. Hein. Je vais vérifier. Je vais vous dire ça tout de suite. Vas-y, vérifie. Allez, le temps donc, que tu passes... Oui. Donc, c'est l'heure de la chronique ciné Rétro 80. Alors, pour Onissa, je vais expliquer un petit peu le principe. Si elle n'a jamais écouté l'émission avant, honte à toi. J'assume. Donc Ciné Rétro 80. C'est pas vrai que ça, honte à toi. On tâtisse, tu veux dire. C'est ça. Donc la chronique Ciné Rétro 80, en fait, cette semaine, j'ai regardé un film des années 80 et je vais essayer de vous le faire deviner par des petits indices. Alors, soit des musiques qu'on entend dans le film, soit des bouts de dialogue en fait du film que j'ai repris. Et je vais vous donner quelques petites anecdotes également sur le film. Je vais vous donner les acteurs, le réalisateur et ainsi de suite. Et vous allez essayer de deviner quel est le film dont je parle. Je suis nul en cinéma, en tout cas. Ah, bon, alors ça, c'est pas cool. Non. Mais c'est pas grave. Mais justement, c'est très bien. Tu vas pouvoir découvrir des choses. Alors, donc, je vais commencer en disant que le film est sorti le 8 février 1989. Que le titre anglais n'a rien à voir du tout avec le titre français. Excusez-nous, hein, les gars. Excusez-nous, mais on parle en même temps. D'accord. Non, sérieux. Et donc, je vais commencer à vous passer tout de suite le premier extrait. C'est une chanson, alors que vous allez reconnaître. Alors, c'est Emmanuel. Non, pas du tout. D'accord. Alors, petite précision, peut-être qu'ils n'ont pas entendu, tu parlais par rapport au titre. Oui, alors le titre français n'a rien du tout à voir avec le titre anglais. D'accord. Alors, et le premier indice, c'est une chanson, c'est celle-ci. Alors c'est pas fame du tout. Non. C'est David Bowie avec Scary Monsters, qui date de 1980. C'est pas une comédie alors? Non, pas du tout. Un film d'horreur? Non plus. Science-fiction? Ouais, c'est plus science-fiction. Ouais. Y a pas d'autres vedettes qui jouent dedans, chanteurs ou dans ce film? Non. Est-ce que l'acteur principal est blond? Non, c'est pas Dune. Non. Tu pensais à quoi? Flash Gordon. Enfin, non, c'est pas ça. Ah non. Pas. Alors il faut savoir que Flash Gordon, c'est Queen qui a fait toutes les musiques du film. tout. D'accord, ok. Si t'avais suivi mes chroniques la dernière fois, tu l'aurais pas. Voilà, c'est ça. Non, mais Alors, donc comme vous n'avez pas trouvé avec celui-ci, je vais vous dire que le film a fait 98 609 entrées au box-office français. Ah, oui, rien du tout. C'est les derniers chiffres connus, celui-là. J'ai pas réussi à en trouver d'autres. Mais c'est rien du tout. Bah oui, c'est pas beaucoup. Il y en ça a sûrement... Ça a marché, sinon, moi. Bah moi, je le connaissais. Ah, mais ça veut pas dire que ça a marché. Voilà, c'est ça. Mais le but, c'est de vous faire aussi découvrir un film des années 80. C'est pas forcément des films qui ont toujours marché. Ouais. C'est des films qui ont eu un petit succès. Là, ça, Est-ce que, au niveau de l'ambiance, une heure du film, c'est pas un peu glauque comme film ? Ouais, c'est un peu spécial. Ouais. Un peu glauque. Il n'y a pas question de dedans. De ta mère, non. Ah non, pas du tout. Ah non, okay. Bah, il faut savoir quand même que le film a récolté un Saturn Award du meilleur film de science-fiction. D'accord. Donc, ça, il a pas fait beaucoup d'entrées en France, tout du moins, mais il a quand même bien fonctionné. Est-ce que c'est un rapport avec des Martiens ? Ouais. Enfin, c'est pas. Oui. C'est genre pas quoi, les trucs, pas les Krull ou je sais pas quoi, les. Les Klingons. Les quoi, les Critters ou les petites bestioles, les petits gris. Non, mais de toute façon, c'est pas Critters, sinon tu ne le dirais pas. Non, c'est pas Critters. Je pensais à Krull, moi, en fait. Non, c'est pas Krull. D'accord. Alors, là, j'ai un petit morceau de dialogue, écoutez bien. San Francisco ? Ah non, moi, je peux pas, ça. Je peux pas dire ça. Je peux pas vous présenter aux gens en vous appelant San Francisco. Je vais vous appeler George. D'accord. Ils vous ont filé de ces noms. Vous savez, j'avais entendu un paquet, hein, comme Humphrey Bogart, Harley Davidson. Moi, je crois que ces pauvres mecs, ils ont dû finir chef à force de trouver des noms pour un quart de million de populos. Dites-moi, George, est-ce que vous vous trouviez pas en bout de liste, par hasard ? Oh non. Ah. Mon véritable nom est Stanga Solensa. Solensa, bien sûr. Et à vos souhaits. Je vous appellerai George. Bien. Voilà. Le mec est comme un clone. De quoi, comme un clone ? Un clone. Non, c'est un pas clone. Un clone. C'est un extraterrestre qui s'appelle Sam Francisco. Il s'appelle Samuel Francisco. C'est un nom qu'on lui a donné. Son vrai nom, c'était pas celui-là. Je le répéterai pas, j'y arriverai pas. Ouais. Mais ils l'ont nommé Sam Francisco. Donc lui, il veut pas l'appeler Sam Francisco. Il va l'appeler George pendant tout le film. Combien d'entrées tu dis le film ? 98 609. Mais c'est pas une comédie. Je crois pas que j'ai vu. Pas une comédie du tout. Non, c'est pas une comédie. Bon, il sort quelques petites punchlines comme ça, des petites phrases. Un peu plus marrante, quoi, mais c'est pas une comédie à la base. D'accord. Alors, je vais vous passer le troisième extrait, c'est également une chanson très connue, écoutez. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting now, some money's will be coming along. Alors, donc c'est The Beach Boys avec Surfing Safari. Surfing Safari, c'est pas Surfing USA. Oui, pardon. Alors ça date de 62, donc rien à voir avec la sortie du film. Et donc ça, on l'entend également dans le film, parce qu'on entend souvent, ils écoutent la radio, ou ils écoutent le poste dans la voiture. Alors, est-ce que... Ouais, je vais vous donner quand même quelques... Je peux même vous donner, je crois, les... Dans les acteurs, vas-y, tu peux. Je vais vous donner le réalisateur, c'est Graham Baker. Eh ben... Ah. Et la musique est de Kurt Sobel. Ah. Ça vous dit rien du tout ? Non. Moi, ça me disait rien non plus. Et alors, les deux acteurs... C'est eux qui chantaient In Bloom, c'est ça ? Teen Smell Like Teen Spirit. Ça, c'est Nirvana. Ah, Kurt Sobel, d'accord. Attends. Kurt Sobel. donc, et donc, les deux acteurs principaux, donc George est joué par Mandy Patinkin. Ouais. Alors Mandy Patinkin, pour ceux qui connaissent Esprit Criminel, ouais. C'est celui qui faisait Jason Guidon dans les deux premières saisons. Ah, le tout brun là. Le tout brun. Mais il est brun. Ouais, enfin, il est un peu grisonnant maintenant, mais... Ouais, plutôt, ouais. Mais il revient dans les dernières pas saisons. Pas du tout, non, il est mort. Donc, Ah d'accord, non. Pour l'instant, il est légèrement décédé. Et l'autre acteur, c'est James Caan. Ah. James Caan, qui a joué notamment dans Misery. Ah ouais, bien sûr. Rollerball aussi. Rollerball aussi. Et pour ceux qui connaissent aussi les séries, il a joué dans Las Vegas. Oui. Le film sur le casino. L'apparition de Fergie. Oui, bah oui, forcément, c'est la femme d'un des acteurs. Josh Duhamel. C'est ça. En quelle année le film ? 89. Avec James Caan, alors ça. Avec James Caan et Mandy Patinkin. Il y a également Terrence Stamp, Kevin Major Howard, Leslie Davies, Jeff Cover, Roger Aaron Brown, j'en passe, c'est les meilleurs. Le film commence par un A. Pas du tout. Enfin, le titre anglais, oui. Le titre français, pas du tout. D'accord. Alors, je vais vous passer avec un martien alors. Donc en anglais, ouais, c'est un extraterrestre. On ne sait pas de quelle planète ils viennent, mais En anglais, c'est AN. Oui. Tu me dois avoir. C'est ça. Ouais, effectivement. J'ai été le retrouver celui-là. Ça va bien, ouais, très bien. Ouais. C'est pas un rapport avec des vieux. Ah non. Je pensais à Cocoon, moi. Ah non, c'est pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais vous passer l'autre extrait. Écoutez bien, c'est un extrait de dialogue. On a trois humanoïdes sans aucun point commun. Maintenant, si c'est un seul maître qui a liquidé les trois autres, ça nous fait quatre humanoïdes de formation totalement différente. La quarantaine. Ouais. Dimanchou, est-ce que tu peux me sortir ce qu'était en quarantaine avec Porter, le numéro de la piole? Très facile. Porter était au 772. Non. Porter, c'est lui qui a trouvé la formule. Hubley en assurait la fabrication à la raffinerie. Et Strader, grâce à sa boîte de nuit, a monté un réseau de distribution. Ouais. Et Harcourt les a bousillés pour pouvoir ramasser tout le paquet. Il est responsable de tout depuis la mort de Tug jusqu'à ce qui se passe maintenant. Mais je vais lui faire la peau. Il est pour moi. Alors. Ah, je sèche, moi, ouais, totalement. Moi ah, bah, je suis content parce que souvent, c'est Harry qui trouve en premier. Mais James Gunn, en plus, non, j'attends bien parce qu'il je regardais sur ma tablette parce que la musique, c'est le tatananana. Je rigolais, mais je me dis, je l'ai déjà entendu, surtout avec le nom du gars. Et du coup, je viens de regarder sur ma tablette maintenant que je lui ai demandé si c'était bien, bien ça. Oui, donc, j'ai pas regardé après, j'étais en train de chercher la musique. Il y a eu également. Le film de Retour vers le futur. Est-ce que vous vous souvenez du chanteur Michael Bolton? Oui, bien sûr. Il chantait ça dans le film. Non, là c'était City Nine. Ah, j'adore. Enfin, je préfère quand même Otis. Hein. Oui. Toi, c'est bon ça. Ah, ouais, c'est trop bon ça. Ah, si, c'est bon. Oh, ouais, je préfère auditionner quand même. Ah, c'est mieux que la version originale. Ah, non. Oh. Ah, non. Ah, j'aime bien les deux, moi. Bonissa, franchement, tu te fais dessus. Le mec, tu le rencontres. Ouais, j'adore ça. Il y a une voix de l'over. Ouais, il y a une super voix. Ça tueur. Attends. Il faut savoir qu'il faisait du métal avant Michael Bolton. Ah, il travaillait chez Arcelor. Non, il était dans un groupe de métal avant. Ce mec-là, là, tu lui mets la physique de Pokora, t'enregistres avec les moyens numériques qu'on a avec une voix comme ça, je veux dire, il te fait des millions d'albums. Ouais. À l'époque, il y avait la coupe mulet, donc pour au-dessus, les cheveux longs derrière, c'était pas top. Mais par contre, il faisait des cartons. Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu un truc sur M. Pokora aujourd'hui. Tiens, vous me parlez de M. Pokora. Oui, ouais. Et il était. Il a fait la première page, la première de couve du magazine Têtu. Ah bon? Et donc, il a dit voilà, c'est pas parce que j'ai fait la première couve de Têtu que je suis homo. Forcément. Ouais. Il y en a un autre qui a répondu ouais, c'est pas parce que tu chantes que t'es chanteur. Excellent. Pas faux. Ouais, effectivement. Oui, enfin, Pokora chante quand même. Ouais, il chante, il chante quand même. Et un bon ensemble. Alors, je vais vous passer un autre extrait de dialogue, c'est celui-ci. Vous avez mis combien de temps pour apprendre notre langue? J'ai mis 3 mois. 3 mois? Oui. On apprend vite, on s'adapte. C'est ça notre force. Nous avons été conçus pour ça. Ah ouais, je sais, à côté de chez moi, il y a une bonne femme qui a un gosse. Bah, elle a une fille de chez vous dans sa classe. Elle n'a pas encore 6 ans et elle est déjà en 5e. Vous vous rendez compte? Je veux dire, ça vous la coupe, ça? C'est inimaginable. Oui, ça l'est. Oh merde. J'ai pris le vôtre. Tenez. Ce qu'ils ont commandé à manger. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça? Ouais. Ça sent du castor. Quoi? C'est délicieux. Ah oui, ça c'est vraiment. Vous voulez essayer? Non, sans façon. Oh là là. Voilà, donc le. Bon, le dialogue. L'extraterrestre je mange du castor. J'ai essayé de prendre des dialogues un peu plus savoureux, on va dire. Je vois pas du tout. Tu vois pas du tout? Ah non. Et donc le dernier extrait que j'ai à vous faire écouter, c'est le générique de fin, c'est de Four Tops. Ouais, c'est une niche. Indestructible. Il est pas très connu, hein. C'est pour ça qu'il me dit je connais pas, mais. Parce que je suis fan de science-fiction. Ah, vous allez me le dire, peut-être que je vais dire ouais, mais. Alors, donc, la deuxième partie du titre, c'est Los Angeles 1991. Je vais te donner le pitch. Alors, dans le futur, des extraterrestres se seront implantés sur Terre. Après des années passées sous quarantaine, ils sont libres d'aller et venir, mais sont victimes d'une nouvelle forme de discrimination. Dans ce contexte, Sam Francisco est le premier officier de police extraterrestre. Son partenaire est un vétéran de la police raciste. Ils devront surmonter leurs différences pour mettre à mal les complots des dirigeants extraterrestres. Voilà. Et c'est la nouvelle série sur Sci-Fi il y a 2 ans, c'est Clone. Et en fait, ça a été repris exactement de ça. D'accord. C'est pour ça que je demandais Clone. Et je peux dire le titre en américain, c'est Alien Nation. Voilà, Alien Nation. C'est repris, Alien Nation. En américain, c'est Alien Nation. Je le connais comme ça. Et le titre français, c'était Futur Immédiat, Los Angeles 1991. Futur Immédiat. Donc rien à voir avec... Oh, c'est pas un grand, c'est pas un grand film. C'est pas un grand film, mais alors il y a quand même James Caan et Mandy Patinkin qui font la tête d'affiche. Ouais. Et quand j'ai vu... Enfin, après, j'ai été regardé par rapport au box-office qui était sorti à l'époque. Ils avaient fait 98 609 entrées. Je me dis, c'est pas beaucoup. Bah oui. Et il a quand même réussi à avoir un Saturn Award du meilleur film de science-fiction. Je me dis, c'était quand même pas un film de merde. Bah, c'est presque un film d'auteur. Parce que l'époque, le script, l'écriture, l'histoire avec le gars qui s'intègre en extraterrestre, c'était pas mal pour l'idée. Ça te parle, Flipkat, ou pas? Bah non, justement. Bah, j'essaie de... Je vois pas du tout. Alors, j'ai pas toi qui aimes bien les extraterrestres, en plus, j'ai été étonné que. Ouais, mais il faut que ça a quand même un semblant de réalité, tu sais. D'accord. Ouais, quand ça touche vraiment la science-fiction, ça m'intéresse un peu moins. Alors, il faut savoir que la musique du film avait d'abord été confiée à Jerry Goldsmith. Ah oui. Mais son travail a été considéré comme trop étrange pour le film. Alors, il faut quand même remettre le contexte. C'est un film avec des extraterrestres. Ils trouvent ça trop étrange. Et donc, ça a été rejeté durant la phase de post-production. Et ça a été confié donc à Kurt Sobel, que je ne connais pas du tout. Non. Ensuite, les maquillages sont l'œuvre du studio de Stan Winston. Donc Stan Winston qui avait œuvré notamment sur le Loup-garou de Londres. Hein, oui, on en parlait tout à l'heure. La première version. Hein. Ouais. Et donc il a aussi travaillé sur Terminator, Aliens et Jurassic Park. Mais ce dernier ne participa pas à ceux du film. Donc lui a supervisé en fait. Il y avait une équipe complète pour les effets spéciaux et lui supervisait. Le personnage donc qui est joué par Mandy Patinkin devait à l'origine s'appeler George Jetson. Mais la société Hanna-Barbera, propriétaire des droits du célèbre dessin animé Les Jetsons, s'y est opposée. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont renommé Sam Francisco. Il y a aussi un des personnages dans le film qui s'appelle Rudyard Kipling. Ouais. C'est l'auteur du livre de la jungle. Bien sûr. Alors, on a le droit de s'opposer à un nom de famille. C'est subit quelque part. C'était pas vraiment un nom de famille, c'était un nom de personnage créé en dessin animé. Ouais, donc, bon. Il y avait un mec c'était une marque déposée appelle-toi Mickey, tu vas voir. Ouais, mais et il y a des gens, Vincent Mickey ou des gens, moi j'ai connu des Mickey, Ronald Mickey, il a le droit de dire c'est mon nom de famille. Ah oui, non, ah, il devrait attaquer Walt Disney pour dire vous avez. Ouais. Alors, le script original fut écrit par Rockn S. O'Bannon, donc également créateur de la série Sequest Police des Mers, si vous connaissez. Très bien, bien sûr. Defiance, qui est passé il n'y a pas longtemps sur Sci-Fi. Et quelques épisodes de la quatrième dimension, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Il a fait Defiance. Ouais, il a écrit sur Defiance. C'est bon. Mais le scénario définitif fut repris par James Cameron. Donc le film, en fait, ce qu'on en voit, ça a été repris par James Cameron. Et donc ce dernier venait alors d'écrire deux scénarios cultes de la science-fiction, Aliens le Retour et Terminator. Ensuite, un an après le film, Kenneth Johnson, également créateur de la série V, créa une série télé du même nom qui ne remporta pas un grand succès et s'arrêta au bout de sa première saison. Donc il y a eu 22 épisodes. Il produisit et réalisa également une série de 5 téléfilms entre 94 et 97 tirés du film, donc toujours Futur Immédiat, enfin Alien Nation. Et enfin, au tout début du film, on peut voir un cinéma avec à l'affiche le film Rambo 6. Donc il faut savoir que le film est sorti en 89, Rambo 3 était sorti en 88, donc en gros et le film est censé se dérouler en 91. Mais je crois que d'ailleurs il y a un 6. Non, il y a 5. Il y a 5. Et donc le film se déroule en 91, ce qui fait qu'il y aurait eu 3 Rambo sortis en 3 ans, quoi. Ça aurait été peut-être un peu compliqué. Mais c'est une base distribution quand t'entends tout les talents, mais c'est bien écrit, hein. Ça me parle pas du tout, c'est dingue ça. Et ben à partir de demain tu pourras. Ah oui, c'est clair, je vais aller voir. C'est le petit titre là. Ah bah ça si tu le retrouves, je le regarde. Mais je l'ai regardé. Donc à partir de demain, il sera sur la page 80. Voilà. Rappelle-nous le titre là. Donc ça s'appelle Futur Immédiat, Los Angeles 1991. Voilà, Alien Nation en VO. Et c'est marrant parce que ça devait être futuriste, 1991. Ouais, enfin les voitures sont banales. Il n'y a rien de spécialement futuriste à part les extraterrestres. À part un extraterrestre qui est un petit peu futuriste quand même. C'est vrai? Ouais, est-ce que tu connais le film Coneheads avec Danny Aykroyd? Ouais. Ils ont des têtes comme ça. Bah là, c'est le même, mais en moins haut. En moins haut. En moins haut, avec des sortes de taches sur le crâne. Quoi. Ah, ça me dit rien du tout. Ah non, pas du tout. Enfin, ça me parle pas du tout. Mais vraiment. Là, tu nous as. Enfin, moi, tu m'as collé. Bah, je suis pas content. Canon. Ah, bah, moi, sur le ouais, côté bah, aussi. Alors là, j'ai été étonné parce que je pensais. Non, franchement, si, c'est quand tu as passé le style Beach Bugs, je sais pas ce que tu as passé comme ouais, musique. On est en train d'écouter. Et c'était son nom avant, son vrai nom. Tu l'as plus non plus. San Francisco. Non, son vrai nom d'extraterrestre. Il l'a pas ah donné. Oui, oh, alors là, si, il l'a donné. Je l'ai déjà entendu alors, mais attends, ouf, ça il regarde sur sa tablette numérique. Ouais, donc c'est celui-ci. Donc c'était ça. San Francisco. Ah non, moi je peux pas ça. Hein. Je peux pas dire ça. Ouais. Je peux pas vous présenter aux gens en vous appelant San Francisco. Je vais vous appeler George. D'accord. Ah, ils vous ont filé de ces noms. Vous savez, j'en ai entendu un paquet, hein, comme Humphrey Bogart, Harley Davidson. Moi, je crois que ces pauvres mecs, ils ont dû finir chefs à force de trouver des noms pour un quart de million de populos. Dites-moi, George, est-ce que vous vous trouviez pas en bout de liste, par hasard? Oh non. Ah. Mon véritable nom est Stanga Solensar. Ah oui. C'est le Solensar qui m'a dit, je connais ça, j'ai déjà entendu. Voilà, mais on reconnaît George. On reconnaît pas la voix de James Caan non plus. Hein. Non. Bah non, c'est ça le truc. C'est non, non, bah alors, c'était peut-être pas le même acteur qui le doublait non plus. Non, je crois pas, non, parce que là, James Caan, il a pas cette voix-là, enfin... Tiens, je rebondis sur ta chronique tout à l'heure. Si je vous dis à la poursuite du diamant vert, retour vers futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, Contact, Seul au monde, Apparence, le Pôle Express, la légende de Beowulf, Predator, Abyss, Avengers. Ouais. Compositeur. Alan Silvestri. Silvestri, ouais. Alan Silvestri, qui dernièrement a encore c'est fait. C'est qui Alan Silvestri? Bah, le compositeur de toutes ses musiques, hein, de Retour vers le futur. Ah, c'est lui, c'est Alan oui, Silvestri. Oui, Alan, ah, voilà. Bah, je sais même pas. Mais qui a fait aussi, voilà, c'est Forrest Gump, ici oh, Avengers, Abyss. Abyss, c'est magnifique, ouais, c'est très très beau. C'est vraiment une musique à écouter. J'en ai déjà parlé ouais. également. Avec Ed Harris. Ouais, Abyss, c'est l'aventure extraterrestre sous la mer, quoi. C'est absolument, ça, ouais. Predator. Avec Marie-Elisabeth Mastrantonio également. Ouais, Ed Harris, c'est comment elle s'appelle, la nana? C'était Marie-Elisabeth Mastrantonio. C'est ça ah oui, ouais. C'est son nom ouais. Ouais. Elle, elle est très abyssale. Ouf. Ouais, tout ça pour dire elle est bonne, quoi. Est-ce que tu aimes aller au cinéma? Ouais. Voilà. Après... Ah oui, donc c'est Silvestri, le compositeur. Silvestri, ouais. Non, mais bien sûr que je crois, je ne mets pas en doute. Je montre en photo en même temps, tous nos auditeurs c'est... peuvent le voir, pas. D'ailleurs, au passage, je vous le dis, cette année, il y a Ennio Morricone qui fête ses 60 ans de carrière et donc il va tourner avec un concert. Il va sortir un album évidemment de best-of avec toutes les musiques qu'il a fait. Bah, vous connaissez évidemment Ennio Morricone, tous les westerns, les westerns spaghetti. Mission et J'en passais des meilleurs. Il y en a plein qu'il a fait. Le professionnel J'en passais des meilleurs. Et donc là, il va retourner. Et franchement, regardez. Les dates auxquelles il sera dans la région, ne loupez surtout pas Ennio Morricone si vous aimez la musique et surtout si vous aimez les musiques de films. C'est un monstre sur scène. Enfin, c'est un monstre. Ses musiciens sont des monstres parce qu'il est tout seul quand même. Et franchement, voilà. Donc il fête ses 60 ans de carrière justement là ce mois-ci. Bon, bah écoute. Mais Silvestri, ça m'intéresse aussi, honnêtement. Je savais pas, mais. Bah il en a fait, hein, surtout. Ah, carrément, ah, carrément. Ça le fait, hein. Ça le fait. Et bah écoute, Sherlock, super. Merci. Ben, ouais. Je vous en prie. Et merci à toi. Alors puis, j'espère vous avoir donné envie de le regarder. Et ben, du coup oui, parce que moi si tu m'as donné envie parce que je connais pas. Enfin ça me rappelle ça rien du tout. En fait. Ah ouais. Et ouais surtout ça, James Caan. Ça envoie depuis tout à l'heure. Non mais James Caan. Oh, quand même. Plus, oui, ouais. Je suis fan de James Caan et honnêtement. Tu vas pas t'emmerder en plus. C'est faut le prendre comme c'est avec l'écriture à l'époque où c'était assez novateur. Parce que après t'as eu. Je pense qu'en fait c'est le film par excellence qui a lancé après tous ces films comment avec des aliens qui descendent oui, mais qui s'intègrent. Les bons, les gentils. On a repris ça. Ouais, avec ouais. Est-ce que c'est dans la lignée de Enemy Mine par exemple? Enemy. Hein? Enemy. Enemy. And my mine, alors, si tu préfères. Alors, rappelle-moi ce que c'était celui-là, parce que. Très très bon film d'ailleurs, avec. Je me souviens plus, mais. Il se retrouve sur une planète tout seul. Toujours sur RTL. Et il se retrouve avec un martien, et c'est une femelle, enfin bref, et il vit avec elle sur cette planète, mais. In the mind, c'est ça. In the mind, Et il est super connu. Non, l'acteur est super connu. Là, c'est pas encore le même. Là, c'est vraiment des extraterrestres qui se sont intégrés à la population. Donc, enfin, ils ont quand même leur apparence. Hein. Ils ont une apparence humaine, mais juste avec un crâne qui est pas pareil que nous. Un peu comme toi, quoi. Hydrocéphale. C'est quoi. Ça, ouais. Ah, d'accord, c'est ça. Monocéphale. Ouais, du genre un peu bercé trop près du radiateur. Quoi. Voilà, c'est ça. Quand Charles te dit qu'il est bi, c'est pas au niveau céphale. Hein. Non, c'est bicéphale. Et donc, ils parlent notre langue pour la plupart, parce que tous n'ont pas fait l'effort de le faire. Ouais. Et donc, ils essayent de s'intégrer petit à petit dans la société. Mais écoute, ça me donne envie de le voir. Franchement, ça me donne envie de le voir. C'est pas mal. Ouais, je sais pas si c'est pas dans les années 80. C'est vrai qu'il y a eu toute une flopée qui était plutôt des films de série B, même à la limite. Hein. Ouais, alors je me souviens aussi d'un film. Alors, Soleil Vert, parce que tu. Ah non, c'est beau, oui, les années 70, ça. Ouais, non, mais justement, c'est parce que pourquoi je rebondis là-dessus. Avec parce Charlton que, il parlait des extraterrestres qui s'intègrent à la population, qui ont l'apparence d'ailleurs de. Ouais, après, on se fait bouffer en biscuit, quoi. Oui, oui, voilà. Le scénario est un peu. Alors, attends, ouais, bah voilà, c'est un super livre, Soleil Vert. Enfin, l'écriture, j'ai vu le film. Ah, peut-être, c'est le film. Mais au niveau de la mise en scène, il y a un film, je ne me souviens plus du titre, j'arrive plus à revenir dessus. Mais en gros, le scénario, c'est il y a des extraterrestres qui sont sur Terre, qui ont l'apparence humaine, et on les voit seulement avec une certaine paire de lunettes. Eh ben, c'est ça. Ah, mais attends, à quelle heure il est là c'était Gang Bang Extrême, non Non, je crois pas. Ça devait être Ouvre la fenêtre que je peux la mettre, par contre. Extraterrestre à lunettes, extraterrestre à quéquette. Mais en fait, il y a des messages subliminaux au niveau des affiches. Quand on met les lunettes, on le voit. Les extraterrestres ont des têtes de squelettes, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais je sais pas si c'était Soleil Vert, ça me dit rien. Ah non, je suis en train de faire un amalgame entre les deux villes. Mais effectivement, celui avec les lunettes, je me souviens de ça. Et il s'aperçoit que même en faisant ses courses, il y en a plein en fait. Et ils sont parce que Soleil Vert, non, c'est avec Charleston Heston, hein, on est d'accord, c'est celui-là. Donc celle-là, les années 60. Fin des années 60. Moi, quand je marche à Roubaix sans lunettes, j'en vois plein. Oui. Bon, on va arrêter. On va faire une coupure musicale, les gars. Au lieu de dire des conneries, donc vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM évidemment, donc comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h30. N'hésitez pas à nous balancer vos coms sur notre page Facebook émission 80 à l'heure. On va faire une petite coupure musicale et on va se retrouver juste après ça. Mais j'ai envie de faire un ABC sans moi, je peux ? Ben vas-y, allez, je retire ce que j'avais mis alors. Alors, hop. Ça nous va bien. Je vais dire Q8. Q8. C'est mieux que Covid. Cuit. Oui. Cuit. Covid, s'il te plaît. Cuit. Cuit, ça te va bien aussi, je trouve. Ça va être un queen, un truc dans le genre là. Ouais, il y a des chances. C'est ce que les corbeaux ils font quand ils passent au-dessus de Schwitz. Cuit, cuit, cuit, cuit. Pourquoi les corbeaux ? Non, j'ai dit cuit. Alors. Et d'ailleurs, il y a les pompes à essence hein, qui s'appellent Q8. Ah, absolument, en Belgique. Oui. Ça fait toujours rien. Mais. Je m'y arrête souvent pour on t'en prend une. Ouais, pour que. Ah, c'est Radio Gaga de Queen, effectivement. Ah, yeah, allez, Flip 4, bon, à toi l'honneur. Alors, pas S1, non, Street 4, non, c'est pas la peine. Ah, bah non, je. Du tout. On va dire. Allez, F20. F20, mais il n'y a pas 20 titres. T'as combien de titres par lettre? Je sais pas. Mais t'as du français, F20, j'arrive facilement. Mais t'as du français là-dedans? Parce que c'est vrai, c'est très rare. C'est vrai. Non, si, il y a du français. Alors, vous êtes toujours sur RTL. Ouais, vous êtes dans l'émission Silence. Donc, nous allons vous passer un petit morceau de. Vous êtes sur Contact FM. Voilà. Une émission. Florent Pagny avec n'importe quoi. Ah oui, j'adore. 1989. Ah ouais, tiens, tous les 87, autant pour moi, 87. Ah, c'est excellent, ça. 1987, et Radio Gaga, ça date de 84 quand même. C'était bon, ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. À tout de suite. We'll be right back. Pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi C'est Gustave Parking, je tenais à situer la radio surréaliste belge, radio Kichifel, c'est-à-dire la radio Tour Eiffel en quiche, voilà, une bonne quiche dans la Tour Eiffel. Alors ne nous demandez pas quelle est la signification de ce message, c'est Gustave Parking. C'est son interprétation, on va dire. Et carrément, et ouais. Complètement décalé. Et ça date aussi, hein. Oh, de Dieu. Écoute. Il y a quelques années, effectivement, on avait eu l'occasion de la voir en interview. On a passé un très très bon moment. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le voir en spectacle. Et non. Jamais. Non. Non, et bah, franchement, non. Mais, oui, ce que tu me dis, ouais. On est loin du gars de. Parce qu'il s'est fait connaître à la classe, évidemment, oui, sur Fabrice. France 3 à l'époque. Oui. Mais maintenant, il fait des spectacles, mais qui sont hors pair avec des textes savoureux, comme je sais que tu aimes ce terme-là, mais vraiment, et il tourne très très bien. Et c'est lui qui, pour la petite info, avait lancé un nouveau phénomène il y a quelques années sur Paris, et qui a fait le tour maintenant. C'était entrée gratuite, sortie payante. C'était son principe, en fait. Oui. C'est pas con, en plus. Hein. Le spectacle était gratuit. Et il disait, la sortie est payante, et vous donnez ce que vous voulez. À votre bon ouais. Droit. Voilà. Et ça a tellement bien marché que c'est le bouche à oreille. Il a fait fonctionner le bouche à oreille en disant, tiens, tu veux voir un spectacle, il est gratuit, tu donnes ce que tu veux. Et les gens sortaient, ils donnaient peut-être 5, 10 euros, peut-être même 20, hein, parce que sur Paris, à mon avis, ils donnaient un peu plus que ça, quand même. Ou 2 euros, rien, ouais. Il nous a dit, honnêtement, moi, je n'ai pas fait de pub, les 4x3, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait de pub en radio, j'ai pas fait de machin, c'était du bouche à oreille. Ouais, tout à l'heure. Voilà, vous rentrez, c'est gratos. Pub, ça. Et ouais. Ça attire les gens. Bah, on parlait tout à l'heure de location de matos, c'est vrai que si t'as un peu de lumière, le matos, t'as la salle, t'as budgété à 1000 euros, t'as 400 places, tu dis aux gens, donnez ce que vous voulez, tu te dis que quelque part, t'as pas fait de pub, t'as pas fait de. Ah bah non, mais c'est clair. Bah, tu te dis, voilà, t'es là pour gagner ta vie aussi, quoi. Et après, je vais te dire, il est très très intelligent, parce que quelque part, au niveau des déclarations, et c'est là où ça devient super intéressant. Au niveau des déclarations, c'est je fais un spectacle gratuit. Mm-hmm. Je ne fais pas payer l'entrée. Oui, après, c'est vrai que 20 euros. Ouais, après, ça... je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'est pas con le mec. Moi, je serais venu à pied parce que 20 euros, je trouve que ça fait cher la place de parking. Ouais. Ou elle est bonne. Non, mais... Ouais, elle est pas mal. Allez, ok, allez, on peut l'applaudir. Allez, on l'applaudit. Merci. Je m'applaudis moi-même. Non, mais ceci dit, je pense que c'est quelqu'un qui a le mérite d'être. D'être connu, il faut aller le voir parce que franchement, le spectacle, moi je suis tombé des nues, j'ai adoré, c'était excellent. Et ça marche à l'impro, ça marche, il y a un peu de tout, il fait des conneries avec des souffleurs à feuilles mortes là, mais c'est ouais. Génial, mais vraiment super. Et il fait de la scie, la scie musicale. Oui, il fait un peu de tout. Après, c'est des jeux de mots, c'est des textes même parfois très, très violents sur l'actualité. Non, il est très très bon, très très bon. Ceci dit, bah, il a son public. Et son oui, public, je pense que c'est niche. Hein. Ah oui, c'est niche, mmh. Oui, carrément. C'est pas, il n'est pas très connu, mais ceci dit, j'ai adoré son spectacle. Et honnêtement, si vous ne le connaissez pas encore, il faut aller voir Gustave Parking. D'accord. En parlant de Voix Savoureuse tout à l'heure, bah, on va recevoir la semaine prochaine donc Tivoti, voilà, qui est un acteur local de la chanson française. Donc voilà, venez découvrir. Alors pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Donc Tivoti est déjà venu plusieurs fois dans l'émission. Oui. Oh, c'est mon Dieu. Moi, je lui dirais toujours en face et tout ça. Les gens disent alors, ça chante comment et tout ça. C'est un super parolier. Je trouve qu'on manque en France de gens que je vais pas parler de Brel ou tout ça. Enfin, mais il y a quand même des gens qui écrivent bien des textes, qui savent le faire, qui mettent vraiment de l'émotion dans ce qu'ils écrivent, avec une musique derrière et puis un chanteur. Donc c'est pas un chanteur à grande voix, 4 octaves et demi, tout ça. C'est pas du tout le but. C'est un chanteur qui pose ses textes sur une. Mais est-ce musique. Qu'il a un Korg et Il a pas de Korg. Il a pas de Moog. Non, il a pas de Moog. Il a pas de M1. Pas de DX7, et donc il sera là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, pour tous ceux qui connaissent Tivoti, c'est qu'en fait, il a créé de nouveaux titres, mais il a repris certains titres comme le Funambule de l'insouciance et tout ça, avec, bah, il nous en parlera, mais Véronique, son épouse, qui joue à la basse derrière, il y a donc un gars qui fait aussi des percussions, et en fait, j'ai eu la chance de les voir en direct en train de jouer, de les écouter surtout, et c'est pas mal. Il a mis beaucoup de couleurs maintenant dans sa musique. Et c'est vraiment très bien. Un peu par rapport voilà. À ce qu'il fait. Ouais. Donc ça se passera. Ben, j'ai un grand blanc là parce qu'on a. Bon, on mettra la bande-annonce que tu as sur ta clé USB. C'est le 22 octobre. C'est le 22 octobre, hein, c'est bien ça. Mais j'ai un doute sur les horaires. À Circambule. À Circambule, donc c'est pas loin. Ça. C'est du côté de Moucron, Herzo, d'Otigny. Hein, c'est Circambule. Sauf erreur. Ouais, c'est donc il sera là la semaine prochaine, il jouera en live, il chantera en live. Voilà. Et moi, ça me fera super plaisir voilà, de le revoir, ça fait un bout de temps. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était un an chez moi. Voilà. Et ben moi, j'aurais le plaisir de le découvrir. Ah, mais tu seras là la semaine prochaine. Ah oui. Mais avec plaisir. Attends, refais-nous le. Ah oui. Ah oui. Mais ben, écoute. Tu sais comment être adopté dans une émission sans même avoir. Vous revenez. Ah ouais. C'est avec plaisir. Mais moi, je te propose même un truc, c'est que tu viennes nous rejoindre autour de la table. On va s'arranger, mais. Ah ouais, mais bon, il y aura du monde quand même. Ah, ça ne te dérange pas même d'observer, non. Tu sais. Non, mais autour de la table, hein, pas dessus. Il hein. n'y a pas assez de place. Sur la table ? Oui, ah, vous imaginez on t'en pas. Fera. Dis jamais ça ici. On t'en fera. Non, mais sérieux, t'as une voix qui passe bien. Franchement, ah bah ouais, c'était mais que du bonheur. Voilà, une voix féminine. Ah ouais, carrément. Elle a un petit côté Annick, non ? Annick. Annick qui ? Bah Polychrome par exemple, l'émission Polychrome. Ah Polychrome, d'accord. Oui mais. Bah mais t'écoutes pas, toi t'écoutes pas, tu sais. Non mais j'essaie de chercher, je. Excuse-moi parce que j'essaie de. Non mais t'étais vachement convaincant là. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Là j'adhère pour le lui, coup. Lui il polie les chromes régulièrement, mais c'est pas. Bah donc, tu connais quand même Annick de Polychrome. Annick Berger. Annick Berger. Ouais, ouais, maintenant ça me revient, mais c'est ça pas. C'est loin, c'est loin, ouais, très loin. Quel menteur. Ah, c'est très très loin, la dernière émission c'était lundi, c'était hier. Ça me revient tellement. Non mais dans mon souvenir. Ah, tu l'as pas rencontré souvent, bah tu l'as vu à l'Assemblée. C'est possible. Non, d'accord, ok. Bon, allez, on va se faire une petite coupure musicale. On va se quitter là-dessus ouais. D'ailleurs, hein, puisque Il y a des gens qui rentrent là dans le studio. Mais ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, bah, on va se quitter donc sur deux titres. Alors, un de Paul McCartney et Stevie Wonder qui s'appelle Ebony and Ivory. Ah, ah très bon. Ebony and Ivory. Together in perfect harmony, side by side on my piano. Sodomy. Always set on me. Sodomy. Alors là, par contre, ça c'était Billy Joel. C'est pas pareil. Alors, ça c'était Billy Joel et il l'a dit. Ouais, ouais. Il l'a dit le Sodomy. Le titre Sodomy. Et moi, je vais parler de mes DVD. Tout de suite, c'est tout juste on coupe. Non, non, non, mais alors là, pour la petite anecdote, la chanson Honesty de Billy Joel, il l'avait entendue dans la rue. C'est un artiste de rue qui chantait Sodomy. Ouais. Et sur cette air-là, en fait, et il chantait Sodomy. Nanana, et lui, il a repris la mélodie en mettant Honesty. Je l'avais vu une fois dans. En général, quand tu chantes une vraie Sodomy, tu fais pas là. Ouais, forcément. Tu parles en connaissance de cause. Ah, ben ça, mais non, c'est pas lui, parce que quand moi je parle de Total Rectal, tout de suite. Bon. On peut en parler après 22h30. Voilà, c'est le ligne de départ. Par contre, vous savez que moi, ça a été très très dur dans ma jeunesse parce que je m'appelle. Non, mais attendez, je sais. C'est vrai que maintenant, ça allait beaucoup moins. Je m'appelle Dom, on m'appelait Domi. Et comme j'étais un peu con, j'étais un peu saut, quoi. Donc le saut Domi, c'est moi. C'est lui. Bam, bam, bam, bam. Si, c'est pas mal, ouais, ok. Non, mais donc... t'es sûr qu'on t'appelait pas plutôt le condomi? Ah, ça, c'était quoi? Non, le condom. Le condom. Le condom. D'ailleurs, les gars, une petite devinette, vous savez qui a inventé le préservatif? C'est ce qu'on te donne. C'est ce qu'on pense. Alors, il y a les Français qui disent que ce sont les Anglais avec le condom. Hein. Ouais. Et les Anglais disent non, ce sont les Français. La capote française. La capote française. Parce qu'on dit la capote anglaise, quand même. Voilà. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un arabe, en fait. Ah ouais, pourquoi? Ahmet Asbit. Ah okay. Ok. Bon, donc on va se quitter. T'es bon bouclé. Ah bon, pourquoi? Ah bon. Non, mais le temps que ça monte au cerveau, excuse-moi. Mais... Bah non, en principe, ça doit pas aller jusque-là. Moi, j'aurais fait. Ah ouais, d'accord. Et donc, alors, suite de l'émission. Et donc, pour en finir avec tout ça, on va donc se quitter avec Paul McCartney, Steve Wonder, avec Ebony and Ivory. Ah, très bon. Et un groupe qui avait commencé dans les années 80, en 89 exactement, c'était Boys to Men avec End of the Road. Et ils tournent encore. Bien sûr. Ouais, ouais. Boys to Men, c'est ça. Alors, ouais, ouais, et End of the Road, c'était la BO du film Boomerang avec Eddie Murphy. Ah ouais, okay. Excuse-moi, il y a, comme là, tu es en anglais, Boys to Men, je comprends bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire quoi? Les garçons vers les hommes? Ouais, qui c'est qui deviennent. Le devenir, ouais. Oula, Boys to Men. Oui, ça peut être un conflit. Qui passe de garçon à homme. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de question, ça s'emboîte pas, quoi. Et donc, on va réécouter juste le jingle de Tivoti juste avant ça. Et bah, ça marche. On se quitte là-dessus, en tout cas. Ouais, merci à vous. Merci à Fulcat. Merci pour ta non-chronique. Oui, c'était la surprise de ce soir. Donc, c'était pas mal. Je vous en réserve une autre la prochaine fois. La semaine prochaine, t'es une chronique. Hein, sinon. Sinon. Et moi, merci pour votre accueil. Bah attends, on parle pas là pour l'instant. Bon bah je retire ce que j'ai dit. Alors. Non. Bon, Salakis, merci à toi. Avec plaisir. Hein. Monsieur Polo. On va quand même donner son vrai nom parce que les gens vont croire. C'est Anissa. Ils vont se dire. Oh. Ah mais pourquoi Anissa? Parce que quand je suis née, maman elle a fait D'accord. D'accord. Ouais. C'est con comme explication. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme ça que les gens le retiennent. Oui, d'accord. Onissa. Bah écoute, Onissa, avec plaisir. Et puis, reviens-nous quand tu veux. Bah la semaine prochaine, tu viens. Et puis, on sera un plaisir de mettre une petite place sur les jambes de Flipkat ou de Canon. Moi, je peux pas parce que je suis tétraplégique, mais ça aurait été avec plaisir. C'est surtout que tu bandes mou. Aussi. C'est pas toi qu'on appelait Domi Molle, par contre. Ah, ça, c'est pas moi. Elle est belle. Bon, allez, on va arrêter. Bon, allez. Ouais, stop. Alors, c'est terminé en beauté. C'est Harry Potter. Elle apparaît jamais. Bon, allez. Merci à toi aussi, Sherlock. Merci à Canon, évidemment. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et petite coupure musicale avec, évidemment, donc Le jingle de Timothy, Paul McCartney, Stevie Wonder avec Ebony and Ivory, et Boys to Men avec End of the Road. Et d'ici là, portez-vous bien, évidemment. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Dépêche-toi de nous faire rire avant que tu n'existes plus. Salut, c'est Timothy. Vous écoutez en ce moment Mon Chapiteau sur RQC95.fm dans l'émission 80 à l'heure. Avant que tu ne bouges, ils ont déjà dressé les plans. Je vous invite aussi à découvrir mon tout nouveau clip sur cette chanson lors du concert que je donnerai à Erzo le 22 octobre en la salle du Circambule. Toutes les infos de réservation sont sur mon site www.tiloti.com. Que deviendra ce chapiteau, ces acrobates, ces jongleurs? Et surtout, restez à l'écoute sur RQC95.fr Moucron. A bientôt. Musicien, c'est dompteur. Pourquoi faut-il à tout prix? Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. And we learn to live, we learn to give each other what we need to survive. Together alive, ever. Side by side on my piano. I belong to you. no, no.